C'est un officier des chasseurs alpins et ancien reporter de guerre plonge en milieu hostile dans l'île cannibale du Vanuatu pour des épreuves qui repoussent les limites de l'endurance humaine. Fear Trip, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Lundi, LM Lille Métropole présente la 11e édition du Critérium Cycliste, le guidon d'or avec RMC. Dès 14h, des animations non-stop, une épreuve féminine et une rando famille ouverte à tous. À 19h, place au Critérium Professionnel avec en vedette Brian Coca, Adrien Petit et Julien Alaphilippe. Lundi à LM Lille Métropole, c'est la fête du vélo et c'est avec RMC. C'est l'heure de la météo. Il est en t-shirt et je pense que c'est de circonstance. Jérémy Souliman, bonjour. Bonjour François. Effectivement, c'est de circonstance aujourd'hui. Globalement, c'est encore le soleil et la chaleur qui vont dominer aujourd'hui sur une majeure partie du pays. Quelques nuages vont quand même circuler au nord entre la Bretagne, l'Île-de-France et le nord-est. Ils pourront donner localement ces nuages. Et bien quelques orages, parfois accompagnés de grêles, notamment en fin de journée. Ce sera le cas sur la Normandie ou encore entre la Champagne et les frontières belges. Et puis, d'épais nuages se développeront également au cours de la journée sur le Jura et les Alpes, sans grandes conséquences cette fois-ci. Les températures, eh bien, elles vont encore rester élevées. Ce samedi, prudence, la vigilance orange canicule est toujours en place pour 43 départements. Et ce matin, eh bien, il fait déjà entre 13 et 15 degrés sur les côtes de la Manche, 21 à 23 sur la côte d'Azur, entre 16 et 21 sur le reste du pays. Cet après-midi, on va gagner encore quelques petits degrés. Comptez 29 à Bastia, 30 à Marseille, 32 à Lille, 35 à Lyon, 36 à Paris et Strasbourg, et jusqu'à 38 degrés cette fois-ci pour Auxerre. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Belgique. 16h, football anglais, les matchs de Première Ligue. 17h, athlétisme, le meeting de Paris. Et football Ligue 1, Dijon-Lyon, suivi à 20h des autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, bonjour à vous toutes et à vous tous. Le week-end des experts dans un instant. Il est 6h et à 6h, toute l'actualité. Claire Tchekaglini, bonjour Claire. Bonjour, le débat relancé autour du burkini avec la décision hier du Conseil d'État. Les sages ont invalidé l'arrêté d'interdiction. Cinquième jour de canicule et 43 départements toujours en alerte orange. Bison futé voit lui rouge sur les routes. En football, soulagement pour Marseille qui signe hier sa première victoire de la saison. 2-0 contre Lorient. La polémique repart de plus belle autour du burkini. Hier, le Conseil d'État a invalidé l'arrêté d'interdiction de Villeneuve-Loubet. Les sages ont considéré, Romain Cluzel, qu'il y avait là une atteinte grave aux libertés fondamentales. Oui, dans sa décision, le Conseil d'État a rappelé que l'interdiction de porter un vêtement à la plage comme le burkini doit être justifiée par une menace claire et directe à l'ordre public. Et pour le Conseil, ce n'était pas le cas à Villeneuve-Loubet. La mairie avait justifié l'interdiction par le contexte particulier après les attentats. Mais selon l'ordonnance, l'émotion des attentats ne suffit pas à justifier légalement l'interdiction du burkini. Pour le Conseil d'État, cet arrêté représente une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Le feu vert du tribunal administratif de Nice est donc annulé et l'arrêté de Villeneuve-Loubet est suspendu. Cette décision va servir de jurisprudence pour la trentaine de communes qui ont pris des arrêtés anti-burkini. L'annulation n'est pourtant pas automatique. Soit les maires retirent d'eux-mêmes leur arrêté, soit il faudra aller devant le tribunal administratif qui tranchera en s'inspirant de ce qu'a annoncé le Conseil d'État. Et d'ores et déjà, plusieurs maires, toutes tendances confondues, ont annoncé qu'ils ne retireraient pas leur arrêté. C'est le cas du maire Front National de Fréjus, David Racheline. On peut passer outre encore une fois tant que le tribunal administratif n'a pas dit le contraire. Je rappelle encore une fois que le Conseil d'État a tranché sur l'affaire de Villeneuve-Loubet. Donc moi j'ai l'esprit tranquille. Vous savez, à Fréjus, il n'y avait pas tant de cas que ça. Je crois qu'il s'agit d'une véritable provocation de la part d'un petit nombre de personnes. Ces provocations, aujourd'hui, nous ne souhaitons plus les accepter. Nous pensons que nous avons suffisamment transigé avec l'identité, avec les valeurs de la République française, avec la laïcité. Bernard Cazeneuve a lui appelé à l'apaisement, pas sûr que son appel ait été entendu jusqu'à Matignon. Manuel Valls campe sur ses positions. Dénoncer le burkini, ce n'est en aucun cas mettre en cause une liberté individuelle, a écrit le Premier ministre dans un tweet, taclant ainsi les conseillers d'État. Vous avez déjà eu très chaud ces derniers jours, et bien ce devrait être pire aujourd'hui. 43 départements restent en alerte orange canicule jusqu'à demain matin, et c'est dans cette fournaise que vous serez des centaines de milliers à prendre la route du retour des vacances. Alors comment ne pas cuire à petit bouillon dans son habitacle? La réponse de Pierre Chasseret, le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Le premier conseil, c'est évidemment la climatisation. Il faut savoir qu'elle est efficace lorsque les gaz ont été relativement bien rechargés. S'il n'y a plus de gaz, il peut y avoir une panne, celle du compresseur de climatisation sur la route. C'est plus de 1000 euros la plupart du temps de réparation sur le véhicule. La bonne idée, évidemment, c'est lors des pauses. Laisser les fenêtres ouvertes, ça évitera l'effet four qu'on connaît tous lorsque l'on revient dans notre voiture. Les vitres teintées sont aussi évidemment d'une efficacité redoutable pour conserver un peu de fraîcheur à l'intérieur du véhicule. C'est une bonne chose pour réduire les températures dans l'habitacle. Un échec au goût très amer. Les négociations entre Lactalis et les éleveurs n'ont de nouveau rien donné la nuit dernière. Du coup, la FDSEA de la Mayenne appelle les producteurs de lait à rentrer dans leurs fermes. Journée de deuil national en Italie. Après le tremblement de terre de mercredi, les obsèques d'une trentaine de victimes seront célébrées ce matin en présence du président italien et du président du conseil, Matteo Renzi. Un recueillement qui ne fait pas oublier la polémique sur la solidité des constructions. Marie Régnier est envoyé spécial d'RMC en Italie. Marie, les rescapés s'interrogent sur le respect des normes antisismiques. Nous rencontrons Christina dans un camp de rescapés, sous un soleil de plomb, elle erre entre les tentes. Elle n'a plus nulle part où aller. Sa petite maison en pierre n'est plus qu'une ruine. J'ai travaillé dur pendant des années pour m'acheter cette maison. Il n'y a plus rien, c'est fini. Je suis en colère parce que c'est vrai qu'il y avait des rumeurs dans le village comme quoi il fallait renforcer les maisons à cause des séismes. Mais c'était des rumeurs, les autorités ou le maire, personne ne nous a jamais avertis. Dans cette zone pourtant très à risque, les structures des vieilles maisons ne sont donc pas renforcées. Le chef des secouristes de la région le regrette. Nous, on le sait qu'il faut être intraitable sur les normes antisismiques. D'autres pays y arrivent très bien, pas nous. Et le problème ici, il est politique. Rien n'est fait ou toujours trop tard. La justice italienne s'est d'ailleurs saisie de deux cas, une école et un clocher d'église qui se sont effondrés la nuit du séisme. Ils étaient pourtant censés avoir été mis aux normes très récemment. Le procureur, qui suspecte des malversations, a ouvert une enquête. Le reportage RMC de Marie Régnier. La simplification, c'est maintenant. Plus besoin de se faire faire chaque année un certificat médical d'aptitude. Dorénavant, le document sera valable 3 ans, ce qui ravit Véronique Morera, la présidente de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Pour les parents, c'est compliqué d'être obligé de payer une consultation uniquement pour un certificat médical pour pratiquer du sport. Quand vous aviez un cross et que fallait courir après 30 enfants qui n'avaient pas leur certificat, et puis au bout du compte, il y avait quand même des enfants qui finissaient par ne pas participer. Là, de ce point de vue-là, ça simplifie vraiment les choses pour les enfants. Donc, c'est forcément une accessibilité facilitée. Les Marseillais soulagés, enfin ils ont gagné. C'est la première fois depuis le début de la saison. Ils jouaient hier soir à domicile contre la Lanterne Rouge Lorient, victoire 2-0. Un résultat auquel s'attendait l'entraîneur Franck Passy. Je vous ai dit que j'étais serein, je vous demandais seulement de la patience. Nous on a travaillé sereinement, sans penser que ce soir c'était un match couperet. Par contre, la réaction de mes joueurs était très intéressante parce qu'ils savaient que c'était un match important et ils l'ont joué comme un match important. Franck Passy au micro RMC de Florian Germain. À peine revenu de Rio et déjà en piste, 27 médaillés du Brésil seront en lice aujourd'hui pour le meeting d'athlétisme de Paris qui se tient au Stade de France. Parmi eux, 5 Français. Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique de lancer de disque, n'est pas encore remise des JO. Mais qu'importe, elle sera là. Bah, je vais y aller avec de l'envie. C'est quand même l'occasion de rencontrer, de lancer devant le meeting français. J'espère que ça compensera un petit peu le physique qui forcément est un petit peu moins bien qu'après Rio parce que entre le retour, la fatigue du voyage, le décalage horaire, un petit peu les sollicitations, forcément j'ai pas préparé au mieux cette compétition, mais j'aurais forcément envie de bien faire devant mon public, j'ai envie de dire, du Stade de France. En Formule 1, qualification cet après-midi à partir de 14h du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa, sur la ligne de départ, un petit nouveau, un Français de l'écurie Manor, son nom Esteban Ocon, son portrait avec Louis Amar. Il n'a pas encore 20 ans et parfois cela s'entend. C'est plutôt cool. Seul petit écart de langage pour un jeune homme déjà rompu aux figures imposées du pilote de F1. Il slalome entre les journalistes et répond en presque toutes les langues. Pas submergé par les émotions? Si, il y en a, mais faut switcher sur un autre état d'esprit et se dire voilà, il y a quand même un boulot à fournir et voilà, il faut performer. Il faut dire que le Français attend ce week-end depuis des années. Dès l'âge de 5 ans, il débute en karting avant de se faire remarquer en Formule 3 et en GP3 où il finit chaque fois champion. Recruté par Mercedes, nommé pilote de réserve pour Renault, il enchaîne depuis depuis le mois de mars les séances d'essais libres pour s'habituer aux Formule 1. Quand une place s'est libérée il y a 15 jours chez Manor, son nom s'est donc imposé. J'ai rêvé de ça depuis que je suis petit et j'en suis très très heureux, mais voilà, j'espère que c'est que le commencement et que ça continuera après. Dans sa nouvelle équipe, Esteban Ocon devra partager l'affiche avec un autre pilote prometteur, lui aussi membre de la filière Mercedes, l'allemand Pascal Wehrlein. Un duel de jeunes pousses pour s'assurer un baquet la saison prochaine. RMC, les 6h, passées de 8 minutes tout de suite. François Sorel, les experts et les pronostics. Merci beaucoup Claire. Et oui, tiercé, quarté, quinté plus cet après-midi. Ce sera à Deauville, les pronostics de la Dream Team. Sébastien Larras nous conseille le 13, la Courbette, et le 5, Tisvi. Brahim Asloum pense que le 10, Spring Princess, a ses chances pour cet après-midi. Et enfin, Laurent Guédard retient l'As High School Days et le 8, Grit Dora. Nous avons donc le 13, le 10, l'As et le 8. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Il est 6h09, quel plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce que vous nous avez manqué durant ce mois d'août? Eh bien voilà, ça y est, c'est le retour et c'est la rentrée. Une rentrée qu'on vous souhaite excellente, bien sûr. Et c'est reparti pour vos rendez-vous du samedi et du dimanche matin sur RMC. C'est le week-end des experts. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes tout bronzés. Tiens, on pense à tous ceux qui sont encore en vacances pendant quelques heures et qui ont décidé de pousser jusqu'à l'extrême leur congé. Peut-être que vous vous apprêtez à prendre la route. Soyez prudents, bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Eh bien, comme d'habitude, vous le savez, vos quatre rendez-vous du week-end. Ça ne bouge pas pour cette nouvelle saison avec tout à l'heure la maison, ça sera avec Christian PC. On va essayer de prendre de bonnes résolutions pour cette rentrée avec Christian. Tout à l'heure, on va changer tout dans la maison et se faire de la déco, pourquoi pas un spécial déco de rentrée. Mais avant de tout changer dans la maison, il faut préparer la maison à ça, donc préparer les murs, traiter la plaque de plâtre, etc., peindre ou appliquer un enduit. Est-ce qu'on peut repeindre par exemple un carrelage? On verra ça tout à l'heure pour changer un petit peu tout dans la maison. C'est vrai que ça peut être le bon moment. Et puis demain, bien sûr, vous le savez, les animaux et l'automobile avec Laetitia Barlerin et Jean-Luc Moreau. On parlera de JO justement et d'équitation avec Laetitia. Mais dans l'immédiat, pour débuter en ce samedi matin, il est là, bien reposé, je le pense. En tout cas, ça se voit. C'est Patrick Mulan pour Le Jardin. Bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour à tous et très bienvenue au Jardin. Bon, tout va bien? Mois d'août. Oui. Patrick, qui n'a pas arrêté pour tout vous dire, voilà. Il a tourné plein de nouvelles émissions que vous pouvez retrouver sur newsjardin.tv, que vous allez retrouver bientôt, voilà. Oui, Newsjardin TV d'un coup. Newsjardin.tv.com. Ah oui, voilà. Parce qu'après c'est le .com, c'est ça. Voilà. Non, mais on a profité du fait que effectivement, quand même l'été, il y a des choses qui se passent dans les jardins avec, on va dire des climats assez contrastés selon les régions. Vous verrez, il y a des surprises. On a pris un déluge, mais un déluge dans un jardin génial qui s'appelle Vauville, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir. Mais c'était extravagant. Bon, écoutez, en tout cas là, c'est pas le déluge. Hein. En tout cas, c'est le déluge des températures élevées. On en parlera tout à l'heure avec la météo du jardinier, bien là, sûr. C'est nous qui, c'est nos fronts qui pleurent. C'est ça. Qui coulent. C'est ça, exactement. La météo du jardinier, puis on va évoquer cette canicule dans le jardin aussi, bien sûr, avec dès maintenant vos questions, parce que c'est d'actualité et on réagit à l'actualité dans ce rendez-vous et dans ces quatre rendez-vous du week-end. Vous pouvez donc nous appeler au 3216 dès maintenant ou jardin@rmc.fr si vous revenez de vacances et que, évidemment, votre jardin a été victime, un, de votre absence et deux, de ces températures exceptionnelles. Dites-nous si, vous voulez nous joindre, c'est dès maintenant, donc au 32-16. Et puis tout à l'heure, entre 7 et 8, on va évoquer les plantes méditerranéennes pour poursuivre un petit peu sur tout ce qu'on a pu voir dans le sud de la France pendant les vacances. Oui, parce qu'on a souvent l'occasion, pendant les vacances, alors que ce soit vraiment dans le midi ou même sur d'autres côtes, de rencontrer des végétaux qui sont pas les végétaux les plus courants que l'on met dans son jardin, parce que, évidemment, l'influence maritime favorise le développement de certaines plantes parce qu'il fait beaucoup plus doux, ou même parfois il fait même carrément plus chaud. Donc est-ce que l'on peut acheter ce type de plantes, les intégrer chez soi? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quelles sont celles qui sont faciles, celles qui le sont moins? Donc nous aurons deux experts avec nous tout à l'heure de 7 à 8. Je pourrais vous poser la question concernant mon olivier, alors. Sans doute. Mais j'avais fait aussi un petit peu pour vous, mais enfin bon. D'accord. Maintenant vous commencez à être expert avec les oliviers, ça fait quand même quelques années que vous en avez. Mais enfin, un olivier à Paris, ils sont pas aussi beaux qu'en Corse ou dans le sud de la France. Voilà, mais justement, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on évoquait. évoquera tout à l'heure. Entre 7 et 8, mais justement, si vous avez envie d'avoir des plantes méditerranéennes dans votre jardin ou votre terrasse et que vous êtes un peu partout en France, si vous avez des questions sur ce sujet, dès maintenant, 32-16, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le week-end des experts, c'est parti. Et on accueille Nicole qui est là. Bonjour Nicole. Bonjour François et bonjour Patrick. Bonjour Nicole. Bienvenue Nicole. J'écoute vos émissions en direct ou en podcast et vous remercie pour la qualité de vos conseils et votre savoir. Oula, ça c'est bien. Pleine d'admiration. C'est bien dit Nicole. Franchement là, pour l'instant on est flattés, ça nous fait plaisir. Alors écoutez, j'ai dans l'Aisne, près de Château-Thierry, un terrain à l'aplomb d'un talus qui est bordé par une haie de divers feuillus, dont une dizaine de sumacs de Virginie. Oui. Bon, c'est très beau à l'automne, ces arbres-là. Oui, oui. Ces arbustes n'ont pas résisté au vent fort et se sont cassés les uns après les autres. Depuis, la haie, le talus, le terrain sont envahis par des jeunes pousses de sumac qui ont proliféré cette année. Et après deux tontes, le phénomène s'est amplifié. Ah oui. Aussi, j'ai deux questions. Que faire pour arrêter cette prolifération et quand faut-il le faire ? Alors, la question, elle est excellente. Alors, le sumac du Virginie, c'est le rustifina, pour ceux qui connaissent un tout petit peu les arbustes. C'est une plante qui est extrêmement jolie, comme vous l'avez dit, notamment par ses couleurs d'automne, qui fait aussi des rameaux qui sont tout duveteux. Mais attention, qui a une sève qui est toxique. Il y a beaucoup de gens qui ont une réaction allergique lorsqu'on les touche. Donc, lorsqu'on intervient sur ce type d'arbuste, il faut absolument porter des gants. Alors, vous avez expliqué quelque chose qui est très, très, très caractéristique. C'est que dès que l'on coupe le sumac de Virginie, il fait des rejets. Donc plus vous le tondez, plus vous le coupez, plus vous le taillez et plus il rejette. Donc quand on veut s'en débarrasser, il n'y a pas 36 solutions, c'est l'arrachage. On ne peut pas faire autrement parce que chaque fois que vous allez couper les drageons, il y en a 3 ou 4 nouveaux qui vont se développer et donc vous allez que faire amplifier le phénomène. Donc on a pas beaucoup d'autres solutions que, alors soit on le fait à la main, mais c'est un drôle de boulot, soit on loue une petite pelle et puis on va arracher tout ce monde-là parce qu'effectivement, ça fait partie des plantes très, très, très envahissantes. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Parce que bon, et alors quelle est la période? La meilleure période, c'est vraiment en ce moment. C'est vraiment l'été, la fin de l'été, pour faire cet arrachage-là parce que ça stresse vraiment la plante au maximum. Quand on le fait en hiver, c'est comme quand on fait une transplantation. D'abord, le sumac Virginie est une plante à feuillage caduque, donc en hiver, il est dormant, donc si vous l'arrachez et que vous laissez quelques rejets, ils vont repartir de plus belle. Si vous vraiment le stressez en ce moment, il va avoir beaucoup plus de mal à redémarrer. D'ailleurs, c'est la même chose, si vous pouvez pas faire autre chose que de le couper, parce qu'on peut y arriver, hein, avec beaucoup, beaucoup d'efforts, en coupant tout le temps. Dès qu'il repointe du nez, on va le tailler et à ce moment-là, il va s'épuiser, mais il faut longtemps pour ça. Donc ça marche pas vraiment très très bien. Et je dirais que entre juin et août, si vous pouvez vraiment faire ce travail-là, c'est vraiment l'idéal. Alors il y a quand on en a pas énormément, ça je parle pour d'autres personnes qui pourraient avoir un problème avec ce type d'arbuste. Quand on en a pas beaucoup, l'idéal c'est de faire ce qu'on appelle un annelage du tronc. Alors, on fait un anneau, on découpe un anneau d'écorce et on va empêcher, on va dire, la sève de bien circuler. Donc ça, vous faites environ, 2-3 centimètres de hauteur, vous enlevez toute l'écorce du tronc principal, l'idéal c'est évidemment que la plante elle soit pas trop touffue parce que normalement il faut le faire sur toutes les branches, et à peu près à 80-90 centimètres du sol, vous faites ça, et là ça va vraiment réduire complètement la végétation de la plante. Sinon, il y a encore une autre solution qui est assez efficace, surtout sur les rejets. C'est-à-dire, quand vous avez tondu, puisque vous parliez que vous aviez tondu, eh bien, on va dire dans le quart d'heure qui suit le passage de la tondeuse, sur la base de toutes les parties qui ont été coupées des rejets, vous appliquez du glyphosate, donc du Roundup ou un autre désherbant à base de glyphosate, avec un pinceau directement sur la plante, et ça va être absorbé jusqu'aux racines, et ça les crame quand même très très bien. Voilà ce que je peux vous dire. On peut faire ça dans le talus, parce que la haie, elle est assez dense, et le talus est très en pente. Si c'est le cas, je vous dis, la seule solution, c'est de louer une pelleteuse et puis d'arracher tout ce monde-là. Hein. Okay. Et en faisant très très attention de bien tout retirer. Parce que le moindre petit élément racine avec un bout de tige, ça va redonner un sumac. C'est comme les orties, quoi. Oui, c'est un peu comme les ronces. Non, ça rajeune très très bien, oui, c'est sûr. Eh bien voilà, okay. Nicole, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre appel, Nicole. Et si tout comme Nicole ce matin, vous avez envie de joindre notre jardinier Patrick Mulan, allez-y, c'est le moment. Nous sommes en direct, on attend vos questions. Le 3216, le standard ou bien jardin@rmc.fr. On revient dans un instant, Patrick. Mais bien sûr, avec plaisir. Un petit café. J'ai une voix un peu bizarre, c'est vrai, on dirait que c'est déjà l'automne. Non, ça va, vous avez une belle voix de jardinier qui travaille dur la terre. C'est ce qu'on aime. Allez, à tout de suite, on est là dans un instant. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, ce week-end, un nouveau pilote français, Esteban Ocon, débute en Formule 1 Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Demain, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Ce soir, 20h50 sur RMC Découverte, explorez l'extrême. Jérôme Burin-Desrosiers, ancien officier des chasseurs alpins et ancien reporter de guerre, plonge en milieu hostile dans l'île cannibale du Vanuatu pour des épreuves qui repoussent les limites de l'endurance humaine. Fear Trip, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Il est 6h20, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin avec le seul, l'unique, notre Miu Miu national. Le meilleur jardinier de France m'accompagne chaque samedi sur RMC entre 6h et 8h. Patrick, oui. Avant de retrouver les questions, un mot sur la canicule, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on se rend compte qu'il fait très très chaud, bien sûr. Le jardin en subit les conséquences. Il ne faut pas hésiter, c'est ce que vous me disiez pendant la pub, là, à arroser parfois même dans la journée. Bah écoutez, j'ai vécu un phénomène qui m'a surpris hier et avant-hier. Bon, on a en ce moment pas mal d'agrumes, de citronniers, tout ça dehors dans le jardin, dans des gros pots. Alors bien sûr, ils étaient pas très loin d'un mur. Alors ça, premier conseil déjà, distance au moins un gros mètre entre un mur et la plante, de façon à ce que d'abord l'air circule et que l'effet de réverbération ne soit pas quand même trop fort, parce que là ça les crame vraiment. Quand vous avez 37-38 degrés comme il y avait, plus l'effet de réverbération, c'est énorme. Et je me suis rendu compte en plein milieu de journée que les jeunes pousses de citronniers, elles se mettaient à flétrir, mais vraiment ça baisse du nez. Oui. Et tout de suite ça vous dit oh, j'ai soif, j'ai mis de l'eau immédiatement. Alors ça, n'hésitez pas, hein. J'ai mis de l'eau immédiatement et on va dire dans la demi-heure qui suit, la plante est revenue turgescente. Donc ça, c'est très important de bien surveiller les symptômes de la plante. Hein. C'est vraiment, je baisse du nez, j'ai les feuilles qui pendouillent un peu, je suis ramollo, un peu comme nous d'ailleurs, hein, c'est un peu ça. Mais là, ça veut dire j'ai soif et donc j'ai besoin vraiment d'eau. Alors, ne douchez pas la plante en plein soleil, attendez le soir, mais ça en revanche, ce soir, demain soir, enfin tous les soirs de canicule comme ça, on douche toutes les plantes. Moi, il n'y a qu'une seule plante que je ne douche pas, c'est la tomate. Mais même les rosiers qui sont pourtant habituellement, on dit il faut pas mouiller le feuillage rosé. En ce moment, vous le faites. Oui. Parce que la plante a vraiment besoin de rafraîchir. Et il n'y a pas besoin d'y passer longtemps, mais une bonne douche. L'idéal, c'est d'avoir soit ce qu'on appelle un terminal d'arrosage qui ressemble en fait à une douche et qui fait pomme, comme ça. Et donc, vous balancez ça sur le feuillage. Dessous aussi, si vous pouvez. Ça, c'est très important. D'accord. Parce que les pores de la plante, qu'on appelle les stomates, sont souvent sous la partie inférieure de la feuille. Et donc, vous allez voir vos plantes, elles revivent, vous voyez, elles reprennent un petit peu d'effort. Et puis, on insiste énormément sur toutes celles qui sont en pot. Là, c'est vraiment, vraiment important. Là, il faut arroser tous les jours. Et dernier conseil aussi, on ne met pas d'engrais en ce moment. On ne met pas d'engrais pendant les périodes de canicule. Pourquoi ça ? Il faut que la plante puisse absorber énormément d'eau sans qu'elle risque une indigestion. Ouais. Donc il faut mieux la mettre un petit peu, bah, c'est comme nous, quand il fait très chaud, on mange plutôt moins. Bah, là, voilà, la plante, c'est un peu pareil. Oui, c'est il faut l'hydrater avant tout, voilà. En priorité. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, puisque vous êtes nombreux à nous poser des questions concernant cette canicule, cette chaleur, que ce soit au 3216 ou bien jardin@rmc.fr, on s'intéresse à la question de Diane tout de suite qu'on a reçue par mail, donc. Mais n'hésitez pas, hein, 3216, hein, ce matin, si vous voulez nous joindre en direct, on prendra votre question dans quelques minutes. Diane qui nous dit, je viens de rentrer de vacances, j'habite l'Aisne, ma pelouse est marron, Patrick, il a fait très chaud et sec. Est-ce qu'il y a un moyen de la sauver ou devrais-je déjà ressemer? Alors ça, sur les pelouses, faut pas s'inquiéter outre mesure. C'est sûr que ça leur donne un aspect vraiment de paillasson actuellement, mais vaut mieux pratiquement, alors on peut arroser un petit peu pour quand même pas qu'elle se dessèche complètement, mais de toute façon, dès le retour des pluies, alors il y en aura certainement la semaine prochaine parce qu'on est sur quand même une tendance assez orageuse et ça va terminer quand même comme ça, c'est toujours comme ça que ça se passe, mais après, à l'automne, vous allez avoir un reverdissement, ça c'est certain. Donc pour l'instant pas de panique, de toute façon c'est pas le bon moment pour refaire une pelouse, il faut attendre le mois de septembre, septembre ça sera une très très bonne période. Si on n'a pas une canicule encore, mais si on a un temps relativement doux et humide, alors là on sera vraiment dans la période idéale pour pouvoir refaire une pelouse. Mais sinon non, en ce moment, bon, un petit peu d'eau éventuellement, ou même rien du tout. Vous avez qu'à regarder les espaces verts dans les villes actuellement, bon, hormis les endroits où on veut vraiment que ça reste bien vert, etc. Mmh. On laisse. Donc on se dit, oh là là, c'est le désert en fait. Mais dès que vous avez trois gouttes d'eau, ça revient. Oui, parce qu'en fait, la plante, elle, justement, elle perd, enfin, ou du moins, elle élimine son feuillage. Elle garde vraiment toutes ses réserves dans les racines. Et il y a les petits bourgeons au niveau de la touffe, là, qui, dès qu'ils ont la possibilité d'avoir de l'eau, ça refait de nouvelles feuilles et ça revertit. Quelles sont les plantes les plus sensibles à la chaleur ? Dont il faut véritablement surveiller. Par exemple, tout ce qui est rhododendron, camélia, fougère. Alors moi, chez nous, dans le jardin, c'est vraiment l'hydrangea, c'est-à-dire donc tout ce qui est hortensia, tout ce qui est hydrangea paniculata, enfin tout ce groupe des hydrangea qui sont, on va dire, un peu nos plantes sentinelles. Dès que vous avez un manque d'eau dans le jardin, vous avez immédiatement cette plante dont le feuillage baisse du nez. Donc là, on sait obligatoirement que la plante a besoin d'eau. Oui, donc. Et dans ces cas-là, ça veut dire que le jardin aussi en a besoin. Alors nous, on a au jardin aussi des fougères arborescentes, ça ce sont des plantes qui ne supportent pas le manque d'eau. Donc là, actuellement, elles sont douchées tous les soirs. Alors sur des fougères, qu'elles soient arborescentes ou pas, ce qui est important, c'est de noyer le cœur. C'est pas tellement les racines qui sont importantes, c'est le cœur même de la fougère. Et donc ça, même sur des fougères comme les scolopendres qui ont des feuilles quand même un peu plus coriaces, etc. Moi, je le vois en ce moment, vous avez les feuilles qui retombent un peu, elles s'aplatissent. Vous noyez le cœur, le lendemain, c'est revenu un peu turgescent. Mais vous avez certaines plantes sur lesquelles ça ne fonctionne pas. Attention, notamment certaines plantes annuelles à feuillage très tendre. Mmh. Bah, les pétunias, par exemple. Les pétunias, si vous le laissez dessécher complètement... C'est cuit. Il va avoir du mal à revenir. Hein. Mmh. Les diacias. Les rosiers tiennent bien cette chaleur. Les rosiers, ça tient bien à la chaleur. Moi, je les douche et je les arrose en ce moment parce que je veux qu'ils gardent leurs feuilles. Mais sinon, sur le rosier, vous pouvez avoir une chute de feuilles. D'accord. Mais il faut pas s'en inquiéter plus que ça. Non, mais ça fait pas beau. Ouais, et puis la plante, ça la fatigue quand même. Hein, ouais. Faut bien le dire. C'est clair. Il est 6h26, c'est RMC, on va revenir dans quelques instants avec au menu de ce week-end des experts jardins, tout à l'heure la météo du jardinier. Patrick a étudié les cartes de Météo France et le constat est simple. Il fait chaud, il va continuer de faire chaud. On va retrouver aussi Jérôme Soliman dans un instant qui va nous confirmer tout ça. Et puis en deuxième partie de ce rendez-vous jardin, Patrick, on va s'intéresser aux plantes méditerranéennes. Peut-être étiez-vous justement dans le sud de la France, peut-être avez-vous apprécié l'abondance de tous ces végétaux superbes. On a peut-être parfois envie d'en couper un petit bout, si on a le droit, bien sûr, ou alors d'aller dans sa jardinerie. Oui, c'est mieux d'acheter un plant. Voilà, et de se recréer, en fait, cette ambiance un petit peu du sud. Oui. Est-ce que ça marche toujours? Alors c'est la question justement, qu'on posera moi, j'aimerais, si vous habitez pas la région méditerranéenne, mais que vous avez du succès avec certaines plantes qui devraient pas l'être, donnez-nous vos recettes et puis votre témoignage. Tout à fait. Et puis on aura aussi le témoignage d'un auditeur étonnant dans quelques instants qui nous a envoyé un mail. Il a un tournesol chez lui qui fait plus de 4 mètres et il se pose la question de savoir si ça serait pas le plus grand du monde. On vous a imprimé les photos, vous allez voir ça et on va retrouver René Paul dans un instant. Le 32-7, jardin@rmc.fr, c'est le week-end des experts, c'est le jardin. A tout de suite après la météo, les infos. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, ce week-end, un nouveau pilote français, Esteban Ocon, débute en Formule 1 Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique. Aujourd'hui à 14h, les qualifs, et demain dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Justement, cette canicule va-t-elle se poursuivre? On fait le point sur la météo avec vous, Jérôme Soudimont. Bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Et bien sans surprise, pour la majeure partie du pays, c'est encore une belle journée sous le soleil qui nous attend aujourd'hui. Un petit bémol tout de même dans le nord de la France. Quelques nuages vont circuler entre la Bretagne, l'Île-de-France et le nord-est. Des nuages qui pourront donner localement quelques orages, parfois accompagnés d'averses. Alors ce seront des averses de pluie, mais également de grêle. Ça devrait être le cas en fin de journée sur la Normandie ou encore entre la Champagne et les frontières belges. Ailleurs, sur les Alpes et Jura, eh bien, ces deux régions resteront cachées derrière des pénuages, mais pas de pluie au programme. Partout ailleurs, du beau et franc soleil. Un temps globalement beau, donc, et chaud. La vigilance orange canicule reste en place dans 43 départements encore ce samedi. Ce matin, les températures sont déjà comprises entre 13 et 15 degrés sur les côtes de la Manche, 21 à 23 sur la côte d'Azur, comptant entre 16 et 21 degrés sur le reste du pays. Et puis cet après-midi, eh bien, la chaleur revient. Il fera 29 à Bastia, 30 à Marseille, 32 à Lille, 35 à Lyon, 36 à Paris et Strasbourg, et jusqu'à 38 degrés à Auxerre. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. C'est RMC, il est 6h30. Un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. 43 départements toujours en alerte orange canicule. Ce samedi devrait être la journée la plus chaude de la semaine. Conséquence de cette fournaise qui n'en finit pas, les pics de pollution à l'ozone qui se suivent en Île-de-France. Et c'est dans cette chaleur que nombre d'entre vous vont prendre la route aujourd'hui. Bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des retours et orange dans celui des départs dans le sud-ouest et sur l'arc méditerranéen. Se baigner en burkini sur les plages de Villeneuve-Loubet sera de nouveau possible. Le Conseil d'État a invalidé hier l'arrêté d'interdiction de cette tenue de bain islamique. Une décision loin d'apaiser les tensions. Les Républicains ont annoncé qu'une proposition de loi serait déposée dès septembre. Emmanuel Valls estime dans un tweet que cet arrêt du Conseil d'État n'épuisait pas le débat ouvert sur cette question. Vous obliger à tenir ne servait à rien. Le constat d'échec est dressé par le président de la FDSEA de la Mayenne. Philippe Géant a demandé aux éleveurs qui bloquaient Lactalis depuis lundi de cesser leur action. Cette nuit, les producteurs laitiers n'ont rien obtenu de plus de l'industriel. Le beau-frère des Kouachi remis aux autorités françaises. Il sera présenté à un juge antiterroriste aujourd'hui. Mourad Hamid est soupçonné d'avoir voulu rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. L'Italie enterre ses victimes, les victimes du séisme de mercredi, journée de deuil national ce samedi. En fin de matinée, une cérémonie d'obsèques sera célébrée en présence du chef du gouvernement, Matteo Renzi, et du président de la République italienne. 30 personnes seront inhumées. En football, Marseille se hisse à la 6e place du championnat. Première victoire de la saison hier soir de l'OM. Les Marseillais affrontaient la Lanterne Rouge, Lorient, résultat 2-0. Suite de la troisième journée de Ligue 1, aujourd'hui, Dijon reçoit Lyon à 20h. Bastia se déplace à Caen, Metz accueille Angers, Montpellier affronte Rennes. Nancy joue contre Guingamp et Nice reçoit Lille. En Formule 1, essai du Grand Prix de Belgique cet après-midi, démarrage sur le circuit de Spa à 14h. RMC, 6h, passé de 32 minutes, l'heure de retrouver François Sorel. Merci beaucoup Claire Tchekaglini, on vous retrouve tout à l'heure. À 7h sur RMC dans un instant, le week-end des experts, le jardin, le retour. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Miu Miu, ah, la première question flash de la saison. Ah oui. Rappelons le concept. En moins de deux minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Mylène Gabate Gap. J'ai découvert une source sur mon terrain, nous dit Mylène. Ai-je le droit d'en utiliser l'eau pour arroser mon jardin? Alors, bonne question. Oui, c'est une bonne question. C'est un peu complexe parce que bon, le code rural dit la chose suivante. Celui qui possède une source peut en user à volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Donc ça veut dire que donc vous avez le droit. Toutefois, si la source donne naissance à un véritable cours d'eau, vous n'avez pas le droit de détourner les eaux pour votre usage privé. Si l'eau est nécessaire, si l'eau de la source en fait est nécessaire aux habitants de la localité, la communauté peut vous exproprier, enfin plutôt la commune peut vous exproprier, donc vous n'êtes pas totalement chez vous, et puis vous n'avez pas le droit aussi de nuire à votre voisin. Donc si votre source est sur un terrain en pente, et bien entendu va se trouver en amont, il faut que tous les terrains de l'aval puissent aussi disposer de l'eau de cette source. Donc c'est pas forcément aussi évident que cela, et dans votre cas, moi je vous conseille vraiment d'aller voir la mairie et de demander quelles sont les dispositions qui ont pu être prises et quels sont aussi les conseils qu'on pourrait vous donner par rapport justement à votre position et à votre voisin. Donc sachez aussi donc que vous avez le droit, notamment lorsque vous avez de l'eau de pluie, de récolter cette eau de pluie. Mmh. Hein, pareil, à condition aussi que vous ne preniez pas toute la pluie qui tombe partout et que vos voisins ne puissent pas être pénalisés. Mmh. Donc en fait, il y a une sorte de partage de l'eau, et si vous avez une rivière aussi qui passe devant chez vous, il faut savoir que vous avez le lit qui est à vous, mais pas le reste. D'accord. Et 32-16 hein, pour toutes vos questions jardin. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Et 6h35, on est de retour sur RMC. Merci d'être là. Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est bon week-end. C'est, vous le savez, le week-end des experts. On est là chaque samedi et dimanche avec nos quatre experts. Demain, dimanche, ce seront les animaux et l'automobile avec Laetitia Barlerin et Jean-Luc Moreau. Tout à l'heure, la maison, Christian Pessé, le bricolage de la maison, la déco entre 8 et 10. Et là, nous sommes au cœur de ce rendez-vous jardin. Dans quelques minutes, la météo du jardinier. Que va-t-il se passer pour votre jardin dans les jours qui viennent? La canicule va-t-elle se poursuivre? On verra ça avec Patrick qui va nous prodiguer quelques conseils. Tiens, d'ailleurs, vous êtes victime de cette canicule dans le domaine du jardin. Vous avez des questions spécifiques à poser à Patrick parce que c'est un petit peu, voilà, on va dire, la bérésina dans votre jardin, sur votre terrasse ou dans votre balcon. C'est le moment ou jamais, appelez-nous 3216 dès maintenant ou jardin@rmc.fr. On va parler tournesol avec René Paul qui est là. Bonjour René Paul. Oui, bonjour François et bonjour Miu-Miu. Alors bonjour, René, vous nous avez envoyé un mail incroyable, oui, avec plein de photos dessus. Mm-hmm. Vous avez chez vous un tournesol qui fait quelle taille? Alors il fait 4,30 m de haut. Alors ce serait, paraît-il, d'après l'indicateur des Flandres, ce serait le plus grand parce que celui qui avait été recensé faisait 4,20 m. Alors peut-être dans votre région, mais je vais vous décevoir. Si vous allez sur le site du Guinness des records, vous allez voir que le record du monde est aujourd'hui à 9,17 m. Donc on en est encore très très loin. C'est un record qui a été obtenu le 28 août 2014, donc il n'y a pas si longtemps, en Allemagne, par un monsieur qui s'appelle Hans-Peter Schiffer et qui habite à Karst. Alors c'est bien sûr des gens qui sont des spécialistes de ces records. Moi j'en connais dans le domaine par exemple des cucurbitacées où on vous fait des citrouilles de 700 kilos, sont des gens donc qui cultivent spécialement les plantes pour obtenir des records. Alors on les nourrit, etc., on les tuteur et tout, mais vous dans votre cas, je pense que vous ne l'avez pas fait exprès. Hein. Non, absolument pas, non, je faisais un rideau de tournesol pour disons séparer le jardin de la maison. Et nourrir les oiseaux notamment, parce que les oiseaux aiment bien picorer. Oui, et puis coup, je l'ai vu pousser, je n'en venais pas, mais je me suis dit, comme il est aussi grand, il ne fera jamais de fleurs. Et puis tout compte fait, il m'a fait une douzaine de fleurs. On va mettre une. C'est dingue parce que vous vous êtes mis donc à côté et on se rend compte là sur la photo de la hauteur de ce tournesol. C'est étonnant. Hein. Alors, oui, ça vous c'est impressionnant d'ailleurs, toutes les personnes qui viennent voir sont surpris par la hauteur de cette. Alors je vais vous donner. Vous êtes la star locale, René. Je vais vous donner un petit conseil, René. Oui. Ne donnez pas toutes les graines aux oiseaux, mais conservez-en quelques-unes lorsqu'elles seront bien mûres, de manière à les utiliser l'année prochaine pour de nouveaux semis, parce que généralement, c'est des plantes qui peuvent génétiquement donc avoir le génome de la force d'être plus grande que les autres. Et en général, par exemple, on fait ça aussi avec les courges géantes. Quand vous avez vraiment réussi à avoir un spécimen d'exception, on garde ces semences de manière à essayer de transmettre un peu ce gène de gigantisme, si je puis dire, à la descendance. Donc vous pouvez tenter l'année prochaine de ressemer des graines de ce tournesol et normalement vous devriez avoir des beaux résultats. Mais quand on peut-être regarde même encore plus haut. Alors après c'est une question de le nourrir. Si vous le mettez bien à l'engrais, oui, il peut être plus haut, mais après ça demande aussi un tuteurage, etc. Mais on voit quand même que ceux d'à côté, ils sont pas mal non plus. Hein, quand même, ils sont pas aussi grands, mais vous avez quand même peut-être un terrain particulièrement riche, René-Paul. Eh bien, écoutez, j'ai strictement rien fait. Enfin, j'ai mis simplement un peu de fumier, mais pas d'engrais, absolument rien. Bah oui, mais vous avez un bon fumier. Naturellement, oui. Oui, oui. Mais c'est un bon résultat. On va mettre une de vos photos sur la page Facebook pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis, bravo à vous. Hein. Si vous nous en donnez l'autorisation, hein, bien sûr, on n'est pas. Mais absolument, c'est avec plaisir. Eh bien, écoutez, voilà. D'ailleurs, on peut lancer un appel à l'ensemble de nos auditeurs. On l'avait déjà fait, mais si vous avez effectivement des plantes un peu exceptionnelles, si vous avez un coin de jardin qui vous satisfait particulièrement, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des photos, parce qu'après, on les publie sur la page et on en fait partager le plaisir à tout le monde. Merci beaucoup, René-Paul. Merci en tout cas pour votre appel et puis pour votre petit mail. À très bientôt. Merci. Bravo. Et bonne journée à vous. Bonne journée. Le 32-16 à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler. Vous êtes victime de la canicule dans votre jardin. C'est pas joli, joli. Et vous voulez peut-être avoir quelques conseils ou nous raconter, simplement témoigner pour nous dire que voilà, tout part à volo. Dites-le nous. Le 32-16. Patrick vous prodiguera ses conseils. 32-16 ou jardin@rmc.fr. Vous nous joignez par mail. N'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone. On est en direct, on lit votre mail, la sélection de votre question est faite et on vous rappelle instantanément. C'est ça qui est génial. On accueille Daniel qui est là. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bienvenue. Vous êtes dans le Puy de Dôme. Je suis dans le Puy de Dôme, oui. Vous avez l'air d'être harassé par la chaleur. Oui, il fait chaud. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Enfin, je sors le matin et je me boucle l'après-midi. Vous avez bien raison. Que vous arrive-t-il, Daniel ? On vous écoute. Alors voilà, j'ai une bignonne qui a poussé toute seule il y a quelques années. Mmh. C'était pas mal, seulement comme elle m'a envahi, on me l'a coupée. Il y a eu des trous avec perceuse, mis du dessoucheur, mis de l'eau de javel, mis du sel, mis tout ce que j'ai pu avoir. Et la souche a l'air morte. Mais par contre, il y a des rejets à plusieurs mètres qui sortent au milieu de mes pavés. Alors j'ai mis un coup de roundup dessus, ça a l'air de crever, mais il en sort d'autres. Vous pouvez répéter la fin de la partie là. J'ai pas trop compris. Vous avez mis du roundup dessus et que ça fait quoi? Alors ça tue le rejet, oui. Mais il en sort d'autres. Bah oui. On est exactement dans la même configuration que tout à l'heure avec le rustifina. C'est un peu moins envahissant la bignonne, mais évidemment, lorsque vous avez des rejets qui sont aussi lointains de la souche, ça montre à quelle distance s'est développé le système racinaire. Donc, dans votre cas, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution à faire que d'extraire la souche. Il faut absolument arracher la plante d'origine. Et ensuite, lorsque vous mettrez du Roundup ou du désherbant sur le feuillage des rejets, là, ils ne seront plus alimentés, enfin, ou du moins, ça va les éliminer complètement parce que leur système racinaire est moins important. Mais sinon, ça ne marchera jamais. Parce que vous avez toujours cette souche qui va pouvoir réalimenter en permanence. Parce que même si on dit, et effectivement, que le glyphosate est un herbicide systémique, c'est-à-dire qu'il est absorbé par le feuillage et véhiculé par la plante jusqu'au au bout des racines. Quand vous avez une souche très importante qui est ligneuse, comme c'est le cas des bignons, eh bien, vous n'arrivez pas à la détruire complètement et elle redémarre. Ou alors, faudrait mettre des quantités déraisonnables de désherbants. Donc, dans votre cas, il n'y a pas d'autre solution que d'extraire cette souche. Alors, c'est du boulot, bien entendu, hein, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire, sinon vous aurez toujours des ennuis. Eh bien voilà Daniel, merci en tout cas pour votre appel. On va revenir dans un instant sur RMC, il est pratiquement 6h43 et dans une minute on retrouvera la météo du jardinier. Patrick, vous êtes prêt? Les cartes de Météo France n'ont plus aucun secret pour vous pour les jours qui viennent? Bah, j'avais regardé ça hier, oui ça a l'air d'être toujours estival. C'est chaud. Bien entendu, ça va se terminer par des orages. Voilà, vous voulez justement discuter de la météo actuellement dans le jardin, le 3216 à votre disposition bien sûr, 3216 ou jardin@rmc.fr. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Bonjour, c'est Roselyne Bachelot. Lundi, je vous retrouve sur RMC avec plaisir dès 15h pour 100% Bachelot. Nous évoquerons un sujet fort d'actualité ensemble, nous en débattrons et nous chercherons des solutions. Opinion, conviction, solution, c'est 100% Bachelot. Je compte sur vous lundi dès 15h sur RMC. Roselyne Bachelot prend les commandes d'RMC lundi 15h dans 100% Bachelot. Ah, si j'avais le Samsung Galaxy Note 7, je me sentirais important, créatif, artiste. Du 16 août au 1er septembre, le Samsung Galaxy Note 7 est déjà en précommande chez Darty. Profitez-en. Avec le smartphone, Samsung vous offre le casque de réalité virtuelle Gear VR. Samsung Galaxy Note 7, le smartphone qui voit les choses en grand. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Leclerc. Philippe, tu savais, toi, qu'avec Leclerc, on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison? Absolument. Des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ces primes peuvent, selon tes revenus, être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinscher.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Demain à 18h sur BFM TV, c'est BFM Politique. Et cette semaine, Apolline de Malherbe reçoit Laurent Wauquiez, le nouveau président des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. BFM Politique, demain 18h-20h sur BFM TV, avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h moins le quart, bienvenue à vous qui venez peut-être de nous rejoindre sur RMC. Et on salue en ce samedi matin tous ceux qui travaillent, voilà, qui sont peut-être levés depuis de longues heures. Voilà, on salue les commerçants, les professions médicales, bien sûr les chauffeurs de taxi et tous ceux qui, les chauffeurs routiers aussi qui sont très nombreux à rouler. Les gens de sécurité aussi. Voilà, on pense à vous, on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter et on vous remercie de votre fidélité. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous jardin, chaque samedi 6-8, Patrick Mulan est là à mes côtés. Dans un petit quart d'heure, on retrouvera la météo et les infos. Et puis en deuxième partie de ce rendez-vous jardin, on s'intéressera aux plantes méditerranéennes. Est-ce qu'on peut les faire pousser partout, ces plantes méditerranéennes? Ce sera en substance, voilà, ce qu'on va évoquer. Et puis bien sûr, vos questions sur ce sujet, dès maintenant, au 3216, si vous avez peut-être envie, voilà, d'avoir un olivier en région parisienne ou que sais-je, je sais pas, moi il y en a plein, hein, des plantes comme ça, qui sont issues du sud et qu'on aimerait bien voir évoluer dans des régions moins favorables, on va dire. Oui, mais en même temps, bon, il y a aussi cette idée du réchauffement climatique avec lequel il faut être quand même un petit peu méfiant. Exactement. Ça sera tout à l'heure entre 7 et 8. Vos questions, réactions sur ce sujet dès maintenant. 32-16, mais dans l'immédiat, c'est notre météo du jardinier en ce samedi 27 août 2016. C'est la reprise du week-end des experts. D'ailleurs, il pourrait le noter dans l'éphéméride, hein. Quand même. C'est notre nouvelle saison qui commence. Ah bah c'est sûr. Pas écrit. En revanche, c'est à Sainte-Monique. Voilà. On leur fait un gros bisou à toutes les Moniques qui nous écoutent. Donc on dit à la Sainte-Monique, ne te plains pas si le soleil te pique. Ah. C'est ce qui va se passer aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est ça. Un peu ça. Sarcle ton jardin à la Sainte-Monique, sinon l'Adventiste sera hégémonique. Bon, en ce moment, de toute façon, justement, avec la chaleur, les herbes ne poussent pas non plus de façon délirante. De la même manière que j'avais un autre dicton qui parlait de puceron de Sainte-Monique, pas de panique, va chercher l'arsenic. Bon, ça, c'était dans le temps. Ouais, hein, parce que l'arsenic, maintenant, c'est plus... Ça y est plus. Hein. C'est plus l'actualité. Vous savez que le soleil se lèvera dans un quart d'heure à 7h, pour se coucher à 20h42 et on perd encore 3 minutes de soleil. Ah oui, là c'est une catastrophe. Eh ben oui, là, ça dégringole, c'est logique. Alors, Que va-t-il se passer? Ben écoutez, là, à partir de demain, donc on va avoir sur la partie bretonne jusqu'à la mer du Nord un vent assez soutenu le matin de sud-ouest qui va souffler sur les côtes et qui apportera une relative douceur, je dirais, par rapport au jour précédent. On aura plus de température supérieure à 30-35. Hein, le maximum, ça sera vraiment déplacé vers l'est. Toute la frontière de l'est, hein, de l'Alsace jusqu'aux Alpes, où il y aura 32 à 33. En Île-de-France et au centre, on devrait perdre presque une dizaine de degrés par rapport à aujourd'hui. Hein, on sera plutôt à 26-28, avec un temps plus généreux, plus nuageux en général, excepté, comme d'habitude, sur la Côte d'Azur, mais aussi l'Aquitaine, il fera très beau. Alors, côté jardin, bien sûr, arroser, doucher vos cultures systématiquement le soir. Il est bon aussi de mouiller les plantes, même en cours de journée, à condition qu'elles ne soient pas complètement exposées au soleil pour éviter les risques de brûlure. Et n'apportez pas d'engrais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je l'insiste, vous attendrez que la température rebaisse, notamment, bon, on va dire, peut-être dans le courant de la semaine prochaine. Alors, on aura une nette accalmie côté du vent à partir de lundi, et on aura vraiment des vents très très faibles, ce qui va entraîner la remontée progressive des températures. Oui, parce que voilà, la canicule n'est pas... Les jours chauds ne sont pas terminés. Non, non, pas du tout. Alors, on risque d'avoir une petite dégradation pluvieuse dans les Hauts-de-France et même au nord de l'Île-de-France, voire jusqu'à l'Orléanais, mais ça sera vraiment pas grand-chose et ça suffira pas à apporter la quantité d'eau dont les jardins ont besoin, mais vous allez avoir des configurations plus agréables pour jardiner aussi bien lundi que mardi. Alors, première chose à faire, c'est de sortir les griffes, les binettes pour pouvoir décrouter le sol. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il se forme une sorte de coque assez consistante sur le sol, et si vous arrosez ou s'il pleut, eh bien, ça ruisselle dessus et ça ne rentre pas en profondeur. Donc, le truc pour le jardin, n'oubliez pas l'adage, on dit toujours un binage vaut deux arrosages, ben oui, c'est de gratter bien le sol du jardin, l'ameublir de manière à ce que l'eau d'arrosage puisse pénétrer. Donc, on sera à peu près pareil pour mardi, mais à partir de mercredi, ça va commencer à changer puisque on risque d'avoir une nette dégradation orageuse qui va se généraliser dans le pays à partir de mercredi dans la nuit. Donc là, inutile d'arroser mercredi parce que jeudi et vendredi, on aura des températures qui vont monter très nettement. On va revenir vers les 30 degrés, mais il va pleuvoir très abondamment en raison des orages. Donc, soyez vigilants au niveau des orages avec toutes les jeunes cultures. Par exemple, si vous avez fait des petits semis ou des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre une protection, tout simplement un tunnel, quelque chose comme ça, de façon à protéger les plantes parce qu'un orage, ça peut être très très violent et ça peut vous ravager complètement des plantes. Notamment les rosiers. On peut même avoir de la graine parfois dans certaines régions. Alors au niveau du jardin, écoutez, ça va être déjà le moment d'acheter les premiers bulbes de printemps la semaine prochaine, les crocus et personnages les plus précoces. C'est aussi le moment de bouturer. Là, on fait des boutures semi-aoûtées, on appelle. C'est-à-dire que là, on est dans la deuxième quinzaine d'août, c'est la bonne période pour tout ce qui est laurier sauce, romarin, thym, les arbustes à feuillage persistant, les géraniums, les fuchsias, tout ça. Vous pouvez vous amuser à faire des boutures. Et puis, alors, n'hésitez pas surtout, alors, il va y avoir beaucoup de fleurs fanées. À cause de la chaleur, les fleurs ne durent pas. Eh bien, coupez-moi tout ça, parce que dès qu'il va faire meilleur, eh bien, ça va redémarrer. Alors que si vous les laissez, ça va partir vers des fruits, ça demande beaucoup d'énergie à la plante et vous aurez une plante beaucoup moins esthétique, je dirais. D'ailleurs, un petit coup de taille, ça peut être une bonne solution sur des plantes qui souffrent un peu de la chaleur en ce moment. Donc, réduire un petit peu la ramure. Par exemple, sur les rosiers, moi je l'ai fait. Vous coupez par exemple la moitié de la longueur des branches, surtout si elles sont bien développées. Tac, on coupe tout ça au-dessus d'une feuille et ça fait des ramifications. Et en septembre, vous aurez des fleurs. Très bien, 6h51, c'est RMC, le week-end des experts, et on accueille Françoise qui est là. Bonjour Françoise. Oui, bonjour à vous deux, félicitations pour votre émission. Merci. Depuis l'année dernière et cette année, j'ai un souci, je sème des haricots verts. Les haricots verts sortent, quand ils vont commencer à fleurir, au niveau de la tige et au ras du sol, la tige devient marron sur 1 cm, la tige s'affaiblit, s'affaisse et la plante meurt. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie du pied noir, ça doit ressembler à ça. Donc, ça, vous avez un sol qui est très consistant ? Non. Non ? Non. Vous mettez énormément de matière organique ? Alors, nous mettons du fumier de cheval et de la croûte de poule. Mais qui est composté ou pas ? Non, qui n'est pas composté. Qui n'est pas composté. Eh ben, faut pas faire ça. Bon. Ah, attention, Françoise. Donc, mais ça, j'insiste là-dessus parce que. Il y a des mauvaises pratiques à ce niveau-là. Oui. Tout ce qui concerne tous les fumiers doivent être compostés pour être utilisés correctement sans risque de brûlure des plantes. D'accord. Et surtout, bon, le type de maladie que vous avez est une maladie d'origine bactérienne le plus souvent et qui apparaît avec la dégradation des matières organiques. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux composter et on utilise le fumier composté ou on le mélange même à son compost ménager. C'est pas mal de faire une couche de, par exemple, d'épluchures de légumes, une couche de fumier, une couche de gazon et on recommence, etc. Et ça vous fait des composts de très très bonne qualité. Voilà. Donc ça vient de cet excès-là à coup sûr. Hein. D'accord, oui, j'ai pensé parce que je mettais pas toute ma crotte de poule, enfin j'ai des poules, et cette année, ben, j'ai dit c'est terminé, je ne mets plus de crotte de poule, ça doit venir de la crotte de poule. Mais oui, parce que c'est extrêmement puissant. La fiente de poule ou le guano, par exemple, hein, donc qui est pareil, la fiente mais d'oiseaux marins, sont des engrais azotés de très très belle qualité, mais qui doivent être utilisés, on va dire, avec parcimonie. Donc si vous en mettez trop, eh bien vous faites une grosse indigestion à votre plante et donc là vos symptômes sont tout à fait liés à ça, hein. Donc modération. D'accord, mais je l'avais pensé parce que jusqu'à présent je réussissais et puis là ça fait 2 ans j'ai dit ben ça vient de la crotte de poule. Eh oui, mais voyez, vous êtes une bonne jardinière parce qu'en fait on fait tous nos expériences et nos erreurs et quand on commence à connaître un tout petit peu les choses, on se rend compte effectivement que on a fait quelque chose qui doit entraîner certaines certains symptômes. C'est comme ça qu'il faut faire. Merci Françoise en tout cas pour votre appel. On enchaîne avec Alexandre avant de retrouver la météo et les infos de 7h. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue Alexandre, vous nous appelez d'où ? Merci, je suis du côté de Perpignan. Perpignan, d'accord. Oui. On vous écoute. Voilà, donc j'ai loué ma maison 3 semaines cet été via un site connu que je ne citerai pas. Qui commence par un A, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Et j'ai laissé quelques directives donc aux locataires qui s'en sont très bien chargés, mais ont oublié d'arroser un bambou que j'ai en pot. Et à mon retour de congé, donc ça devait être début août, la plante était d'aspect jaunâtre, quasiment morte. Je l'ai quand même arrosée, donc c'est une plante que j'arrose qui je donne entre 5 et 10 litres par jour, hein, qui boit beaucoup. En l'arrosant un petit peu, il y a quelques petites feuilles vertes qui repoussent, mais très peu, 4 à 5 au départ. Et donc ces feuilles persistent aujourd'hui, mais maintenant la plante n'évolue plus. Alors qu'est-ce que je peux faire pour la sauver ou... Vous faites rien, vous continuez à l'arroser assez généreusement. Là, vous avez carrément l'exemple idéal de la résistance et de la puissance des bambous. C'est vrai que quand on veut que les bambous se développent, poussent rapidement, etc., il faut les arroser abondamment. Mais là, il n'a pas été arrosé. Alors bien sûr, vous avez peut-être toute la partie aérienne qui est morte, mais ça c'est normal parce que du coup la plante s'est mise complètement en dormance. Mais la souche, elle, a une résistance extraordinaire et là elle est en train de redémarrer tranquillement. Donc là, vous allez continuer à l'arroser. Il faut savoir en revanche que lorsque vous avez des bambous qui font des belles cannes, quand ces belles cannes disparaissent et qu'il ne reste plus que la souche, malheureusement, avant qu'il recommence à faire des cannes de qualité, il faut souvent plusieurs années. Là, il va vous faire des petites pousses, souvent un peu chétives, des petits trucs pas terribles, mais la plante reste vivante. Donc, il y a pas péril, mais avant qu'elle redevienne, je dirais, un beau gros bambou bien costaud, il faudra du temps. D'accord. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais qui est vraiment... Ça, je le dis à tout le monde parce que c'est vraiment important. Si vous avez des très très beaux bambous et que vous vous dites, tiens, ils sont trop denses, etc., je vais les ratiboiser. les repousses ne seront jamais aussi belles que les cannes. D'accord. Il faudra plusieurs années avant que ça redémarre. Donc on ne fait jamais ça. Donc quand on a des vraiment beaux bambous, il faut, avec une petite scie fine, etc., éliminer ceux qui sont en trop. On va faire de la chirurgie, quoi. Oui, voilà, on fait du démarriage, comme on appelle, l'éclaircissage, mais on ne ratiboise pas complètement la souche, sinon les repousses, elles sont moches. D'ailleurs, faites-le, vous verrez bien. Moi, je l'ai fait sur les bords, parce que quand, en général, les bambous, ça s'étale un peu. Quand on coupe au ras de l'allée, par exemple, tous les bambous qui ont poussé, les repousses, elles sont moches, elles sont chétives. Voilà. Et bien voilà, Alexandre. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Voilà, et si tout comme Alexandre, vous voulez joindre Patrick et évoquer cette canicule, le bambou, par exemple, d'Alexandre est fatigué, n'hésitez pas, le 3216 ou jardin@rmc.fr. Je disais que cette nuit, la nuit internationale de la chauve-souris. Oula. Et donc, mais un peu partout en France, vous pourrez observer avec des spécialistes des chauves-souris, notamment au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est des animaux extrêmement utiles pour nous, les jardiniers, parce qu'ils sont tous insectivores. On va en parler demain avec Laetitia. Ça tombe bien. Voilà, parfait. Patrick, on se retrouve après la météo, les infos de 7h. On va parler des plantes méditerranéennes et puis bien sûr vos questions au 32-16. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Ce soir, 20h50 sur RMC Découverte, explorez l'extrême. Jérôme Burin-Desrosiers, ancien officier des chasseurs alpins et ancien reporter de guerre, plonge en milieu hostile dans l'île cannibale du Vanuatu pour des épreuves qui repoussent les limites de l'endurance humaine. Fear Trip, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Samedi 10 septembre, c'est le marathon du Médoc avec RMC. 8500 coureurs déguisés pour le week-end le plus fou de la course à pied. Venez applaudir, encourager et profiter de ce grand spectacle. Et dimanche matin, participez à la balade ouverte à tous dans les vignobles de Cussac-Fort-Médoc. Le marathon du Médoc avec RMC. C'est l'heure de la météo sur RMC avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Et bien sans surprise, encore du soleil et de la chaleur ce samedi sur la majeure partie du pays. Du soleil pour pratiquement tout le monde, sauf pour le nord de la France. Et oui, quelques nuages entre la Bretagne, l'Île-de-France et le nord-est vont venir jouer les troubles fêtes. Des nuages qui pourront donner localement quelques orages pouvant être accompagnés d'averses de pluie ou de grêle. Et on attend justement la grêle d'ici la fin de la journée sur la Normandie ou encore entre la Champagne et les frontières belges. Le temps sera beau, le temps sera chaud. La vigilance orange canicule est maintenue dans 43 départements. Alors ce matin, les températures sont plutôt agréables, déjà comprises entre 13 et 15 degrés sur les côtes de la Manche, entre 21 et 23 sur la côte d'Azur, puis entre 16 et 21 sur le reste du pays. Cet après-midi, retour de la chaleur avec 29 degrés à Bastia, 30 à Marseille, 32 à Lille. On attend également 35 degrés à Lyon, 36 à Paris et Strasbourg et jusqu'à 38 degrés cette fois-ci à Auxerre. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Belgique. 16h, football anglais, les matchs de Première Ligue. 17h, athlétisme, le meeting de Paris. Et football Ligue 1, Dijon-Lyon, suivi à 20h des autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant, le retour du week-end des experts jardin. Il est 7h sur RMC. Toute l'actualité. Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour François. Bonjour à tous. Le pire est à venir. Cinquième jour de canicule et le plus chaud de la semaine. 43 départements restent en alerte orange. Le Burkini, lui, chauffe toujours les esprits malgré la suspension de l'arrêté par le Conseil d'État. Certains maires veulent continuer de l'interdire sur leur plage. En football, victoire de Marseille hier face à la Lanterne Rouge. Lorient 2-0. Un premier succès pour l'OM en cette troisième journée de Ligue 1. 43 départements en alerte orange, canicule encore aujourd'hui et une nouvelle hausse des températures prévue pour cet après-midi. Alors comment faire pour éviter que son logement ne ressemble à un four ? Investir dans un ventilateur, c'est bien. Le trouver, c'est mieux. Mais ce n'est pas toujours évident, Martin Cadoret. Enfin, un peu de fraîcheur, Catherine vient d'acheter un ventilateur, mais elle a eu bien du mal à trouver le modèle qu'elle cherchait. J'ai fait déjà 2 ou 3 magasins, il y en avait très peu, mais pas encore en rupture. Mais il y en avait très peu, du genre 3 ou 4 en fait. Canicule oblige, c'est la ruée vers les ventilateurs, à tel point que certains magasins sont en rupture de stock, comme celui d'Olivier Derouault. Dès qu'il y a un coup de chaleur, on a été complètement dévalisé, et la problématique c'est que les fournisseurs, donc les vendeurs de climatiseurs et de ventilateurs, n'ont plus rien en stock. Heureusement, d'autres avaient prévu le coup, comme cette enseigne de bricolage, et là, jackpot. Globalement, on qu'on vend en une semaine ce qu'on a vendu en un mois sur le dernier mois. Romain de Taillac, responsable du rayon confort, donne quelques conseils à ceux qui aimeraient acheter un ventilo sur le tard. Déjà, voir en fonction de la surface de la pièce. Plus la pièce est grande, plus il faudra un ventilateur puissant. Et ensuite, il faut faire attention au bruit que ça va faire parce que souvent on a besoin de le mettre la nuit et ça peut faire du bruit. Avant même de choisir, assurez-vous déjà qu'il en reste en passant un coup de téléphone au magasin. Et puis, canicule oblige, les pics de pollution se suivent et se succèdent en Île-de-France. Dans la capitale, les Vélib et le stationnement résidentiel restent gratuits pour inciter les Parisiens à prendre les transports en commun. La décision n'aura pas apaisé les esprits. Le Conseil d'État a invalidé hier l'arrêté d'interdiction du burkini pris dans la commune de Villeneuve-Loubet au nom du respect des libertés fondamentales. Mais même du côté de ceux qui partagent l'avis du Conseil d'État, la satisfaction est loin d'être pleine et entière, à l'image des Éric Coquerel, le porte-parole du parti de gauche. Il reste quelque chose de l'état de droit dans ce pays. On nous a mis dans une situation tout l'été où on se retrouve avec d'un côté des gens qui aujourd'hui vont crier victoire, je parle des salafistes, je parle des intégristes. Ça a permis de laisser penser qu'ils sont les victimes d'une situation et ça nourrit aussi le Front National, ça nourrit tous ceux qui pensent que dans ce pays il faut finalement un affrontement identitaire, un affrontement entre religions. Donc voilà, heureusement que le Conseil d'État aujourd'hui a légiféré de cette manière-là, mais c'est un bilan absolument catastrophique, je trouve, pour le débat politique en France. Et pour l'instant, en tout cas, le débat continue d'agiter la classe politique et de diviser la gauche. Manuel Valls refuse ainsi de voir la question close avec cette décision du Conseil d'État. Il a indiqué hier soir que rester silencieux comme par le passé était un petit renoncement, une démission de plus. Et si la décision du Conseil d'État doit faire jurisprudence pour les 30 autres communes, pas question pour nombre de maires de revoir leur position, comme Pierre-Ange Vivoni, maire socialiste de Cisco en Haute-Corse, où une risque avait éclaté il y a deux semaines à propos justement d'un burkini. Personnellement, je ne me sens pas concerné par ce jugement qui a été rendu par le Conseil d'État. Nous avons failli avoir des morts il y a une dizaine de jours. En aucun cas, je voudrais que cela se reproduise. Je n'ai jamais parlé de burkini, moi je n'ai jamais parlé de tout ça. Moi j'ai parlé pour remettre, je dirais, de l'ordre sur ma commune, parce qu'il y avait une telle tension que je me suis senti investi de protéger les biens et les personnes. Le chrétien que je suis n'a pas à se baigner avec sa croix autour du cou. Il n'a pas provoqué qui que ce soit. C'est dans ce sens-là que mon arrêté a été pris. C'est pour ce motif que j'irai au tribunal administratif pour le garder jusqu'au 30 septembre. Et à droite, les soutiens de Nicolas Sarkozy ont annoncé qu'il déposerait une proposition de loi dès septembre. Mais quel que soit le positionnement de l'ex-chef de l'État sur cette question comme sur d'autres, il ne semble pas décoller dans les intentions de vote selon un sondage Odoxa pour Le Parisien. Seuls 24% des personnes interrogées souhaitent voir Nicolas Sarkozy être candidat à la présidentielle. Pour Gaël Slimane, président de l'Institut Odoxa, l'ex-président ne gagne pas à trop occuper l'espace public. L'enseignement principal, c'est un Nicolas Sarkozy qui, quand on le voit trop, quand il est trop visible, eh bien patine, alors que au mois de juin dernier, à un moment où il était moins visible médiatiquement, eh bien il avait tendance à rattraper son retard sur Alain Juppé. Notez bien, nous observions le même phénomène en juin sur Alain Juppé. C'est-à-dire qu'Alain Juppé, lui, pour d'autres raisons, suscite beaucoup d'envie de la part des Français qui ont envie de l'entendre, mais lorsqu'il s'exprime, eh bien il a tendance à décevoir un petit peu. Donc c'est une sorte de match à front renversé pour les deux favoris. Plus ils sont visibles, plus ils ont tendance à baisser et à faire fuir leurs électeurs potentiels. En Italie, les drapeaux seront tous en berne aujourd'hui en signe de deuil. Le tout dernier bilan du séisme de mercredi fait état de 281 morts et de 388 blessés hospitalisés. Sur place, la solidarité s'organise. Demain, dimanche, toutes les recettes des musées nationaux seront reversées aux sinistrés. Gian Piero Antonetti est le chef de camp de la région sinistrée et il reçoit chaque jour des dons venus de tout le pays. Les Italiens ont un grand cœur et puis ils sont habitués à ce genre de catastrophe, donc ils sont très réactifs et proposent tout de suite leur aide. De l'aide matérielle d'abord, on nous apporte de l'électroménager pour les sinistrés, des ours en peluche, des tas de choses. D'ailleurs, on est obligé de les arrêter car on a trop de choses. Et puis ils proposent de venir donner un coup de main aussi. Des volontaires arrivent de toute l'Italie, de la région de Naples, de la Sicile. On peut se réjouir de ça. Gian Piero Antonetti avec l'envoyé spécial d'RMC en Italie, Marie Régnier. En football, les Marseillais étaient sous pression hier soir et ils ont enfin répondu présent. Ils ont gagné contre Lorient 2-0. Une victoire, la première de la saison qui va offrir un peu de répit à l'OM, Florent Germain. Oui, il faut dire que les banderoles du virage sud avaient de quoi piquer l'orgueil des Marseillais. Deux matchs et vous nous avez déjà mis la haine. Un conseil gagné clamait par exemple les ultras. Le vélodrome partagé entre défiance et indifférence avec, c'est vrai, une très faible affluence. À peine 26 000 personnes, très rare pour un week-end du mois d'août. Ce succès a donc eu des allures de soulagement pour les amoureux de l'OM, mais aussi pour les buteurs Cabella et Gomis qui avaient le sourire hier à la sortie du vestiaire. Le vestiaire marseillais qui a même reçu après le match la visite amicale de Margarita Ludreyfus. Le climat pesant lié à la vente et aux rumeurs qui vont avec devrait donc s'apaiser. Un peu de sérénité pendant la trêve internationale. Franck Passy va pouvoir apprécier. Et à 17h, Lyon se déplace chez le promu Dijon. L'OL part donc favori, mais si les Lyonnais pourraient signer leur troisième victoire en trois matchs, ils ne tournent pas encore à plein régime, selon leur entraîneur Bruno Genesio. Elle est perfectible. Perfectible dans le jeu, perfectible défensivement aussi, même si on n'a pas encaissé de but depuis le début de saison. On a réussi à faire, sur les deux matchs à chaque fois, une heure de qualité. Une heure dix de qualité. Il nous manque encore un peu plus de présence athlétique pour être capable de faire un match plein, où on est régulier, où on a la maîtrise. En rugby, deuxième journée du top 14 aujourd'hui. Pau reçoit Toulon, Bayonne affronte Castres, La Rochelle se déplace à Grenoble, Brive accueille le Stade français, le Racing 92 joue contre Lyon. Enfin, Toulouse affronte à domicile Bordeaux-Bègle. Ils ne sont pas encore remis des JO que déjà, ils replongent. Les nageurs de l'équipe de France ont disputé hier à Chartres la première manche de la Coupe du Monde en petit bassin. Florent Manaudou, double médaillé d'argent, ressent encore la fatigue de Rio. La deuxième semaine est encore présente dans le corps, c'est la fatigue, mais ça va, j'ai des sensations assez bonnes par rapport à ce que je pensais, et ouais, on fait avec. En plus, après ce relais, c'est cool, on voulait gagner, mais on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. RMC, il est 7h, passé de 8 minutes, et tout de suite, on retrouve François Sorel, les experts et les pronostics aussi, François. Oui, avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Deauville, Claire et Sébastien Arras nous conseillent le 13, la Courbette, et le 5, Tisvi. Brahim Asloum, lui, mise tout sur le 10, Spring Princess pour cet après-midi, et Laurent Guédard retient l'As, High School Days, et le 8, Grit Dora. Le 13, le 5, le 10, l'As, et le 8. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ouais. Je suis en colère, rouge de colère, vraiment. Mais la raison de ta colère? La raison? Mais le raisin patron, le raisin blanc. Aujourd'hui chez Lidl, ils nous mettent le kilo de raisin blanc en vrac à 1,49€. 1,49€ le kilo de raisin blanc chez Lidl? Tu veux vraiment mettre en colère, toi? Mais patron... Y a pas de mais, avec toi, y a que des pépins. Ah, on est mal, hein? Vous avez raison, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, variété Vittoria, origine Italie. Ah, si j'avais le Samsung Galaxy Note 7, je me sentirais important, créatif, artiste. Du 16 août au 1er septembre, le Samsung Galaxy Note 7 est déjà en précommande chez Darty. Profitez-en. Avec le smartphone, Samsung vous offre le casque de réalité virtuelle Gear VR. Samsung Galaxy Note 7, le smartphone qui voit les choses en grand. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Le week-end des experts, le jardin, le retour. Merci d'être là. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est la rentrée pour ce week-end des experts. On est très heureux de vous retrouver en ce samedi 27 août et ce sera comme ça, évidemment, durant toute cette saison qui débute. Bonne rentrée. Encore une fois, sachez que jusqu'à 8h, c'est Patrick Mulan qui m'accompagne pour le jardin. Et puis juste après, ce sera la maison avec Christian PC. On va parler de déco de rentrée avec un spécial déco de rentrée. On va tout vous dire pour préparer justement peut-être quelques changements dans votre maison. Hein. C'est le moment justement de faire un grand ménage à la maison et peut-être de repartir sur de nouvelles couleurs dans les chambres, dans le salon, pourquoi pas. Christian vous donnera plein de conseils à partir de 8h sur RMC. Mais dans l'immédiat, avec Patrick, on poursuit notre rendez-vous jardin et on va essayer de rêver et se dire, tiens, est-ce qu'on peut pas faire pousser toutes ces plantes méditerranéennes qui nous font rêver à peu près n'importe où, et pourquoi pas alors ici même, hein, puisque c'est notre cas, en région parisienne. Alors c'est ce qu'on a un peu l'impression quand on va dans une jardinerie au printemps, où aujourd'hui, notamment en Ile-de-France, lorsque vous allez au rayon pépinière au mois d'avril, vous avez la moitié, au moins, parfois plus, de la pépinière qui est uniquement plantées, présentées avec des plantes méditerranéennes. Donc à savoir qu'il y a une sorte de déport, on a l'impression, hein, des végétaux qui avant étaient considérés comme non rustiques, vers des zones qui sont plus territoriales. Alors, ils font ça pourquoi ? Pour nous donner envie d'acheter. On va leur demander parce qu'on soucie trop effectivement si ça marche ou pas. Ou est-ce que véritablement c'est une tendance parce que le climat change. Alors votre question elle est bonne et comme je savais que vous alliez la poser, j'ai invité déjà quelqu'un de la jardinerie qui s'appelle Stéphane Frisson, vous le connaissez, il vient de temps en temps, il est de Jardiland, c'est un expert végétal. Bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour. Et puis j'ai invité aussi donc un pépiniériste qui lui produit des méditerranéennes et pas au bord de la Méditerranée, mais en Vendée, et pas au bord de la mer, mais déjà dans les terres. Il s'appelle Benoît Ripaud, des pépinières Ripaud. Bonjour Benoît, bienvenue. Bonjour à tous auditeurs et vos animateurs RMC. Donc Benoît, oui, on va commencer par toi. Je disais que donc les pépinières Ripaud, elles sont installées à Cheffois, donc c'est pas au bord de la mer, c'est en Vendée, donc c'est déjà quand même une région un tout petit peu privilégiée, mais tu cultives beaucoup de méditerranéennes et tu en envoies un peu partout dans toute la France. Tout à fait. Hein. Nous sommes une pépinière donc de 100 hectares sur la fenêtre atlantique. On est à 70 km de la mer et c'est vrai qu'on a toute cette fenêtre de Royan, toute la Vendée, toutes les îles évidemment qui nous entourent et tout le golfe du Morbihan. Donc c'est vraiment, je dirais, une fenêtre Grand Ouest évidemment sur la plante méditerranéenne et avec quand même des climats qui s'adaptent de plus en plus à beaucoup de plantes méditerranéennes comme on vient de le dire. Mais Stéphane, donc je disais. Les jardineries regorgent de plantes méditerranéennes, notamment en Île-de-France. C'est bien raisonnable tout ça ? Alors c'est bien raisonnable, oui et non. C'est bien raisonnable si on a conscience que c'est des plantes de climat doux, des plantes méditerranéennes, qui pour certaines vont assez bien résister si on les écoute, si on comprend leurs attentes, si on comprend leur mode de culture, leur mode de vie. On va pas surarroser un olivier par exemple, on va pas laisser dessécher un agrume comme on a tendance à le penser, mais plutôt avoir un arrosage régulier mais parfaitement drainé. Voilà, si on respecte ces quelques règles. Mais il faut un traitement particulier. Tout dépend des régions, c'est ça ? En fait, c'est comme pour toutes les plantes, Patrick va pas me contredire. Comme pour toutes les plantes, il faut un tout petit peu s'y intéresser, les connaître. Et à partir de ça, on peut en effet se faire plaisir avec des plantes de climat doux. Et il faut avoir un peu de chance aussi, comme par exemple l'hiver dernier où il a pas du tout fait froid. Ce que je voudrais quand même insister par rapport à ce que l'on entend un peu partout, le réchauffement climatique n'est pas quelque chose de linéaire. Donc c'est pas parce qu'on vous dit qu'on va prendre 2 degrés ou 3 degrés que tout d'un coup l'hiver il va faire 3 degrés de plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on a des risques quand même. On va avoir des contrastes. Voilà, d'avoir des gros contrastes. Donc là, on le voit, on a une période de très très forte chaleur. Bon, on pourrait très bien avoir une période de très très fort froid pendant l'hiver. Donc attention, on peut avoir envie d'intégrer des méditerranéennes quand on voit ces périodes de chaleur. On n'est pas à l'abri. Alors, Benoît, justement, en tant que producteur, donc qui n'est pas au bord de mer tout à fait, est-ce que tu dois prendre des précautions particulières sur ces plantes? Est-ce que en hiver tu les mets sous abri ou est-ce que ça tient quand même dehors? Ah ben non, tout à fait. Donc évidemment que les plantes méditerranéennes sont quand même vulnérables. Et comme vous l'avez dit, de toute façon, il y a des périodes de froid et d'antigel. Hein. Donc on va dire qu'il y a 3 ans que nous n'avons pas eu du tout de froid. Mais on a quand même les périodes de 2010, 2011, 2012 où il faisait froid. Donc évidemment, nous sommes obligés de produire dans des tunnels, dans des serres, évidemment. Et cette plante-là se vend principalement sur le printemps. Oui. Alors est-ce qu'il y a des variétés, des cultivars qui apporte une meilleure solidité? Est-ce qu'il y a des hybrides qui sont plus costauds que la plante d'origine? On a vu par exemple, tiens, je vais donner un exemple, on a vu apparaître un gardenia qui a priori est une plante qu'on vendait pour l'intérieur, on peut mettre maintenant dehors. Est-ce que ça existe sur d'autres plantes cela? Alors ça existe complètement. Alors il y a une plante qui est un peu mythique, c'est le bougainvillier. Le bougainvillier spectabilis, on peut l'appeler violet de Mèze. Mmh. Et c'est un bougainvillier maintenant sur nos côtes vendéennes et même dans les îles, enfin je veux dire le golfe du Morbihan, où on trouve vraiment des très très gros modèles et qui s'adaptent très bien. Et moi que j'ai essayé déjà sur l'île de Ré, vous en trouvez sur Cap Ferré, donc bougainvillier spectabilis, qui donne cette envie de bougainvillier qu'on voit sur la côte d'Azur et qui nous fait rêver. Ah bah ça fait rêver. Tiens, on a une question justement sur le bougainvillier. Attendez. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que Thérèse est dans les Bouches-du-Rhône. Alors, en théorie, ça devrait marcher là-bas. On va lui poser la question. Bonjour, Thérèse. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Thérèse. Bonjour. Ah non, Thérèse, pas de monsieur, Patrick et François, on est entre nous quand ah, même. Ah bon, attendez. Alors, bonjour Patrick. Ben oui, parce que je vous entends tous les samedis, c'est je me bien. Mets dans mon lit, puis je vous écoute. Merci. Alors là, c'est pour ça. Alors là, j'avais un boucanivier que j'avais acheté chez mon fils là-bas à Perpignan, il a bien poussé jusqu'à maintenant. Et puis là, il y a quelques mois, il a pu pousser, quoi. Comme il fait très chaud ici, il y a 30 et 33 et tout ça. Comme j'habite au troisième étage, le matin j'ai du soleil. Alors, puis quand il y a beaucoup de vent. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Thérèse? Eh ben, il est mort. Enfin, je sens, j'ai l'impression qu'il est mort. Vous l'avez un peu oublié? Vous l'avez pas arrosé? Si, je l'arrose une fois par semaine. Si. Bah, à 30 degrés, c'est pas une fois par semaine. Oui, mais le soir, oui, je vous entends. Vous dites qu'il faut l'arroser aussi le soir. Je l'arrose le soir. Est-ce que vous l'aviez changé de oui. peau? Non. Mais, c'est-à-dire alors, que non. Mais c'est pour ça qu'il est mort, Thérèse, parce que ce qu'il faut bien dire, on va donner après la parole à Benoît Ripoux, puisque lui, il produit, mais... Il y a une différence entre les pots de production, donc dans lesquels les végétaux ont été cultivés et qui arrivent après chez vous via les jardineries, et les pots de culture que vous devez faire avec un volume plus important. Parce que une plante qui est serrée dans son petit pot, qui a été cultivée souvent dans un substrat très drainant, très adapté à la production, mais pas nous, à notre culture d'amateur, bah, elle peut pas rester longtemps dans son conteneur, Benoît. Ce sont les trois, c'est ça? Ah ben, je confirme. Donc, il y a quand même deux choses différentes. Donc, il y a la culture qui est en pot, et après, il y a la culture dans un jardin ou la pleine terre. Donc, là où le bougainvillier n'a pas besoin de moins d'arrosage, le fait d'être dans un pot, évidemment, qu'il va vouloir un rempotage assez régulier, et le bougainvillier c'est un peu une ronce, donc c'est quand même une plante très gourmande. Voilà, il faut un conteneur de grosse taille, Stéphane. Ouais, complètement, je rejoins Monsieur Ripoux. À partir du moment où on a un pot de culture, la plante est produite et sort de production optimale. Donc elle a fait le tour de son pot, elle est pas, elle peut attendre encore un peu, mais pas indéfiniment. le cas de Thérèse au troisième étage, avec un peu de vent, elle a la chance d'avoir du soleil. C'est un peu dur de l'arroser seulement une fois par semaine. Bien sûr. Alors là, ça c'est sûr. Donc Thérèse, si vous recommencez bougainvillier, parce que quand même dans les Bouches-du-Rhône, je pense que vous êtes quand même pas mal exposé pour pouvoir réussir cette plante. Quand vous. Excusez-moi, monsieur. Allez-y, bon, Thérèse. Voilà, j'ai pas de balcon, c'est un petit, c'est une petite fenêtre que je mets, juste le pot, c'est tout. J'ai pas de balcon, hein. Ah oui. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être été un peu gourmande au niveau de la plante, c'est-à-dire que une bougainvillier, c'est quand même une grimpante qui peut dépasser 3 mètres de haut, donc qui il est faut quand même généreuse et qui a besoin d'espace pour pouvoir pousser. Donc, alors, il existe des bougainvilliers, plus nains. Les pépinières Jean Rey vendaient un truc qui s'appelait les mini-tailles à une époque. Ça ressemblait à une sorte de bonsaï naturel de bougainvillier. Là, ça pouvait pousser dans un petit pot. Je sais pas, Benoît, si tu fais ça, toi. Non, c'est quelque chose que je ne fais pas, que je connais pas trop. Non. Oui, mais on l'a vu à un moment donné dans les jardineries. Ça existe encore, Stéphane? On le voit plus. Mais le problème reste entier sur le rebord de fenêtre. Patrick, tu as raison. Malheureusement, Thérèse, le bougainvillier est peut-être pas tout à fait adapté au rebord. C'est pas la plante qu'il faudrait, voilà. Voilà. Merci Thérèse. On revient dans un instant. 7h20, c'est le week-end des experts, c'est le jardin. On évoque les plantes méditerranéennes. On attend justement vos questions. Vous voulez témoigner ce matin? N'hésitez pas, 32-16. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. La terre, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins de fenêtres. Niveau choix, c'est vite vu. Et puis il y a la paire, avec ses fenêtres PVC disponibles en 156 coloris et dans toutes les tailles. Et jusqu'au 12 septembre, la paire vous offre jusqu'à 25% de remise immanquable sur les fenêtres sur mesure PVC. Moins 25% sur les fenêtres sur mesure. La paire, je vous le dis, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. À partir de 4 fenêtres PVC, conditions sur lapaire.fr. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants. À l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé. Le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ça veut dire quoi une rentrée cool pour Darty ? Une rentrée cool, c'est ne pas avoir de choix difficile à faire. Ne pas devoir choisir entre deux choses alors qu'on veut les deux. C'est une rentrée sans restriction. Et ça, c'est cool. La rentrée est cool chez Darty. Du 17 août au 15 septembre, profitez de notre offre HP. Un PC Pavilion X370-13U avec l'imprimante DeskJet 3630 et la souris X1200 pour seulement 649 €. Et en plus, HP vous rembourse 100 €. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. RMC, le week-end des experts, 6h-8h. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Voilà, il est 7h22, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin. Et pendant la pub, on discute avec nos invités, avec Patrick, avec Benoît et notre invité qui est en studio. Donc Stéphane, moi j'étais en Corse cet été et on se rend compte qu'il y a de magnifiques hibiscus en Corse. Mais c'est pas une plante méditerranéenne l'hibiscus, c'est une plante subtropicale. Oui, là on est carrément dans la plante subtropicale, c'est-à-dire c'est des plantes que l'on va rencontrer dans tous les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, etc. Dans les jardins où on en fait des... C'est-à-dire que c'est un peu le troène des pays subtropicaux. La Corse est quand même une région très très très très privilégiée au niveau du soleil. Donc si vous ça avez veut dire que dans nos régions ici en région parisienne, on trouve actuellement dans les jardineries, on en trouve. J'en ai acheté un cette semaine, un hibiscus. Donc c'est vraiment une plante qui vous donne envie parce que ça fleurit pendant tout l'été. En ce moment, on peut la mettre dehors. Mais si vous avez rien pour la rentrée cet hiver, dans la maison, je pense qu'il va pas aimer vraiment. Donc, en revanche, Et alors, ça prend de quoi? Des températures négatives, c'est ça? Il faut le mettre en gel. Je sais pas, Benoît, tu fais des hibiscus? Très peu, hein, parce que ça reste une plante semi-intérieure, semi-extérieure, comme tu viens de le dire. Et c'est surtout souvent une manque de clarté et quelquefois ils ont trop chaud après l'hiver dans les maisons. Ouais, nous on les met dans véranda, donc de toute façon sachez tous que dès que vous avez une verrière, alors que ce soit une serre, une véranda, je sais pas, une loggia, eh bien vous avez complètement changé vos configurations de culture. Là, on va pouvoir presque tout intégrer. On va pouvoir tout intégrer, laisser pérenniser les plantes. Exactement. Non, sans aucun problème. Pour revenir sur l'hibiscus, si on rentre assez tôt et si on est assez précautionneux, pour peu qu'on ait beaucoup de lumière et qu'on soit pas sur un salon, tout l'hiver. Je rejoins M. Ripo, il va faire trop chaud, il peut fleurir tout l'hiver. C'est une plante extraordinaire. Il faut vraiment laisser un petit peu soiffer, un tout petit peu, entre deux arrosages, et vous allez voir qu'il va être extrêmement généreux. Mais on se rend compte que voilà, plus on est dans une région où ces plantes ne poussent pas, plus il faut véritablement s'en occuper. Un peu plus de soins. Voilà, c'est justement ça. Moi, j'ai listé des plantes que j'estime être pratiquement adaptables partout parce que j'ai remarqué que contrairement à ce qu'on disait dans la littérature il y a 20 ou 25 ans, eh bien, elles sont beaucoup plus résistantes que l'on croit. Je vais commencer, et je vous demande votre avis. L'agapanthe, par exemple. Stéphane. Ah si, l'agapanthe, aujourd'hui est vendue quasiment partout. Alors, c'est pas vrai, de certaines régions du centre ou, montagneuses, etc. Mais l'agapanthe est considérée aujourd'hui comme une vivace, réellement. Oui, c'est pourtant une plante sud-africaine, hein, Benoît. Oui, je confirme. Oui, tout à fait. Mais c'est une plante qui est très adaptée. Il suffit de mettre du paillage ou un feuillage pour l'hivernage. Alors, est-ce que ça vient des nouveaux cultivars qui ont été sélectionnés pour une meilleure résistance ou c'est parce que on a des climats qui sont un petit peu plus doux maintenant? Non, je pense que c'est une plante qui est adaptée. Si elle est bien mise un peu en contrefort, je veux dire bien protégée, elle arrive à passer l'hiver et à bien repartir au printemps pour fleurir dans l'été. Hein. Donc, ce n'est pas forcément les nouveaux cultivars. Hein. Non, ça reste général. Alors, le secret, c'est quand même, pour toutes ces plantes-là, c'est quand même un hiver avec un sol drainant. Hein, parce que les plantes résisteront beaucoup mieux à la fraîcheur hivernale ou même au froid avec un sol sec que s'il y a de l'humidité. Et c'est souvent d'ailleurs ça qui les fait périr l'hiver. Elles meurent plus facilement d'humidité que vraiment de froid. Autre plante, mes amis, l'arbousier. Oui, l'arbousier, aujourd'hui est répandu, on en trouve des très beaux sujets. Vraiment l'arbuste méditerranéen, ouais, c'est l'arbuste typique. C'est l'arbre aux fraises, c'est un tronc assez exceptionnel, une couleur en hiver qui est assez exceptionnelle. Le feuillage, si jamais il fait un tout petit peu froid, va commencer à rougir. Ça porte en fin d'été toutes ces fraises, ces arbustes. Comestibles. comestible, bien sûr, ouais, et gustativement intéressante. Benoît, l'arbousier ? Tout à fait, hein, donc toujours dans le grand axe atlantique et autres, évidemment, comme on a dit tout à l'heure. En Ile-de-France, on en a plein hein, maintenant qui fonctionnent. Très bien. En Ile-de-France, c'est jouable, l'arbousier. Hein. L'arbousier, c'est jouable, oui, tout à fait. Toujours dans un sol drainé, pour revenir sur ce que disait Patrick, alors, ça va être la règle. Hein. L'avantage de l'arbousier, c'est aussi une plante qui résiste très bien à la sécheresse. Ah. Hein, c'est vraiment, ça pousse dans des sols caillouteux. Mais il faut le laisser dehors, même l'hiver, l'arbousier? Ah oui, faut surtout pas le rentrer. Alors à mon avis, si vous voulez le faire crever, faut commencer par le rentrer. Il peut résister à des températures assez froides, assez basses. On aura, par contre, et Monsieur Ripo va me rejoindre, je pense, on aura une bien meilleure résistance au froid si c'est en pleine terre. On va diminuer en fait sa capacité à résister aux attaques du gel si jamais il est en pot, bien entendu. Alors ça, je confirme. Et moi, je suis un producteur. Et beaucoup de plantes méditerranéennes, même un camélia basique qui est en pot, qui est hors sol, si vous avez un moins 12, les plantes peuvent être Oui, parce que c'est les racines qui sont agressées dans donc ces cas-là. Le gel se passe là. Et c'est vrai que c'est une différence entre hors sol et pleine terre. Ouais. Alors, mes amis, on continue. L'albizia, l'arbre de soie. L'arbre à soie, l'acacia de Constantinople, très bel arbre. Si jamais il fait très très froid en région parisienne, moins 15, moins 20, on va subir des dommages. Le bois éclate. Mais en Touraine, j'en ai vu des très très beaux. Il fait froid quand même. Il y a très beaux plateaux aujourd'hui. Ça forme en plateau comme ça. Moins 15, moins 20, c'est rare quand même. Oui. Heureusement d'ailleurs. Benoît, surtout important, c'est que l'albizia, faut que les premières années, il arrive à bien pousser, à prendre de la grosseur, et à partir du moment qu'il a 3-4 ans en pleine terre sans avoir souffert du froid, eh bien, ça y est, il est parti pour vivre là toute sa vie. Les plantes méditerranéennes, eh bien, elles sont au cœur de ce rendez-vous jardin ce matin. Peut-on les faire pousser partout? Et quelles sont celles qui résistent le mieux? Le 32-16, jardin@rmc.fr. On revient et on en parle dans un instant après la météo et les infos. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Ah, les chiens et les chats, quel mystère! Saviez-vous que les chats ont le pouvoir de prédire le temps qu'il fera? Eh oui, Stéphane! Quel flair! Justement, chez Gamme Vert, pendant les 4 jours coup de patte jusqu'au 27 août, pour deux produits d'alimentation chien ou chat identiques achetés, le deuxième est à moitié prix. Oui, à moitié prix! Gamme Vert, le goût du jardin! Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Une rentrée cool pour Darty? C'est accéder à toute innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors Darty.com. Avec RMC, le Red Star poursuit sa saison au stade Jean-Bouin à Paris. Aujourd'hui, à 15h, le Red Star reçoit Le Havre pour la 5e journée de Domino's League 2. Assistez à ce choc entre deux clubs historiques du football français. Les Verts et Blancs comptent sur vous pour accrocher la victoire. Rendez-vous au stade Jean-Bouin aujourd'hui à 15h pour supporter l'étoile rouge contre Le Havre. Billets en vente à partir de 10€ sur place et sur le site billetterie.redstar.fr. Avec RMC. C'est l'heure de la météo sur RMC avec cette canicule, hein, Jérémy Soulimon, qui se poursuit. Exactement, François. Bonjour à tous. Encore du soleil et surtout de la chaleur ce samedi sur une majeure partie du pays. Du soleil pour presque tout le monde. Et oui, quelques nuages entre la Bretagne, l'Île-de-France et le Nord-Est vont venir perturber cette belle journée. Des nuages qui pourront donner localement quelques orages et même quelques averses de pluie ou encore de grêle. La grêle, eh bien, on en attend d'ici la fin de la journée sur la Normandie ou encore entre la Champagne et les frontières belges. Des averses orageuses qui pourraient être violentes localement et accompagné de fortes rafales de vent. Côté Mercure, il va faire encore très chaud. Aujourd'hui, la vigilance orange canicule est maintenue dans 43 départements. Ce matin, il fait déjà bon. On a entre 13 et 15 degrés sur les côtes de la Manche, entre 21 et 23 sur la côte d'Azur. Sur le reste du pays, les températures sont déjà comprises entre 16 et 21 degrés. Et puis cet après-midi, retour de la chaleur. On attend 29 degrés à Bastia, 30 à Marseille, 32 à Lille, 35 degrés à Lyon, 36 à Paris et Strasbourg et jusqu'à 38 degrés à Auxerre. La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture. C'est RMC, il est 7h30. Un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Légiférer ou ne pas légiférer, telle est désormais la question après la décision hier du Conseil d'État. Les sages ont décidé d'invalider l'arrêté anti-Burkini de Villeneuve-Loubet. Une décision qui devrait faire jurisprudence pour la trentaine de communes qui avaient pris des arrêtés similaires. Mais les maires ne l'entendent pas de cette oreille. Les Républicains veulent déposer une proposition de loi dès septembre. Le Premier ministre lui-même estime que le débat est loin d'être clos. Ce samedi sera le pire jour de canicule de la semaine. 43 départements restent en alerte orange. Ce sera également très coloré sur les routes. Bison futé hisse le drapeau rouge dans le sens des retours et orange dans celui des départs dans le sud-ouest et sur l'arc méditerranéen. Un lait au goût plus amer que jamais. Les agriculteurs abandonnent de guerre lasse. La FDSEA de Mayenne a appelé les éleveurs à cesser leur mouvement devant l'intransigeance de Lactalis. Les négociations ont une nouvelle fois échoué hier soir. Deux Marocains radicalisés expulsés hier de la France vers leur pays d'origine. 6 expulsions de ce type ont eu lieu depuis le début août et 15 depuis le début de l'année. En Italie, les obsèques d'une trentaine de victimes du séisme de mercredi, célébrées aujourd'hui en présence de Matteo Renzi et du chef de l'État italien. Aujourd'hui, les drapeaux seront en berne dans tout le pays. En football, les Marseillais ont enfin lancé leur saison. Victoire de l'OM hier au Stade Vélodrome, 2-0 face à la Lanterne Rouge, Lorient. But de Gabella et de Gomis. En Formule 1, qualification cet après-midi pour le Grand Prix de Belgique. Départ à 14h sur le circuit de Spa. Quelle qualification à suivre, bien sûr, en direct sur RMC. RMC, 7h, passé de 32 minutes. Le retour tout de suite de François Sorel et des experts. Avec Patrick Mullen qui m'accompagne, Claire, et c'est le jardin, bien évidemment. On vous attend au 32-16. A tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Monsieur Mullen, attention, c'est l'heure de la question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question d'Estelle de Loris. J'ai pu apprécier cet été, Patrick, l'élégance des faux poivriers. Pourrais-je en planter un dans mon jardin du Gâtinais? Eh ben, ça va pas le faire. Eh bien, voilà. Ça va pas le faire. Ça, c'était une réponse flash. Non, voilà. Non, parce que les botanistes disent Chinus mollet. C'est un arbre qui vient de la Patagonie. C'est un arbre qui, à partir de moins 2, moins 3, moins 5, il commence à avoir des problèmes. Parce que c'est un des rares, très beaux arbres à feuillage persistant. Avec un vrai feuillage. Donc, c'est vrai que c'est très élégant. Alors, on le connaît très, très bien parce que ça produit ce que l'on appelle les baies rosées. C'est pour ça qu'on l'appelle le faux poivrier. D'ailleurs, vous frottez ces feuilles, ça a vraiment une odeur de poivre. Et sur les plants femelles, attention, parce que c'est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles, eh bien, vous avez des baies qui sont tout à fait comestibles et que l'on utilise régulièrement dans la cuisine. Mais malheureusement, cet arbre-là ne tient pas ailleurs vraiment que dans les régions méditerranéennes. D'abord parce que il a besoin d'un hiver relativement sec et surtout aussi d'une saison ensoleillée relativement longue. Sinon, il n'arrive pas à faire l'ensemble de son cycle. Et ça, c'est souvent le problème des plantes méditerranéennes qui ont besoin d'une quantité de lumière qui dépasse celle qu'il y a dans les autres régions. Ça, on ne le dit pas suffisamment souvent, mais c'est une des bases. Et puis après, encore une fois, bon, là, il y a un problème aussi de froid. Alors, si vous avez, vous, dans le midi, des faux poivriers, sachez que c'est une plante qui est intéressante parce que il n'y a rien à y faire. On ne l'entretient pas, enfin, on peut l'arroser si vraiment il fait très sec, mais on le taille pas, on le laisse pousser naturellement et ça a un port naturellement retombant, naturellement pleureur. C'est d'une élégance rare et je vous le conseille tout particulièrement. 32-16 pour toutes vos questions jardin sur RMC. On vous attend, à tout de suite. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts. 6h-8h. Votre jardin. François Sorel, Patrick Mullen. 7h35, le retour du week-end des experts. Merci d'être avec nous. C'est la rentrée pour nos experts. Tout à l'heure, à partir de 8h, ce sera la maison avec Christian PC qui me rejoindra. 2 heures dédiées au bricolage à la maison, à la déco. Et on vous réserve un spécial déco de rentrée. Allez, on change tout à la maison. On repeint les murs. Pourquoi pas aussi s'atteler à des travaux un petit peu plus importants. On verra ça tout à l'heure avec Christian. Vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions au 32-16. Mais dans l'immédiat, c'est encore un petit peu les vacances dans ce rendez-vous jardin. On s'intéresse aux plantes méditerranéennes, Patrick, avec nos invités. Voilà, et on fait le tour de plantes que l'on peut essayer d'intégrer un peu partout. Alors, je pose la question à mes amis, donc Stéphane Frisson de Jardiland et Benoît Ripaud des Pépinières Ripaud, pour essayer d'avoir leur avis averti, on va dire, par rapport à la résistance de certaines plantes. Alors, on avait parlé de l'albizia. Bon, le bananier du Japon, le musabajou, ça, effectivement, on le voit assez souvent partout. On peut pas dire que c'est une vraie plante méditerranéenne, mais c'est une herbe et ça pousse relativement bien. Dans les bambous, on trouve plein de bambous qui sont tout à fait résistants. Donc là, on est dans les plantes un peu tropicales. Alors, maintenant, je voudrais avoir votre avis sur les cystes, messieurs. Stéphane. Alors, les cystes, c'est un peu le coup de poker. On peut avoir de très très belles années, donc des hivers assez doux. Et là, on va avoir une cyste qui va prendre de l'ampleur, qui va vraiment se plaire. Un sol assez drainant, relativement sec. Si jamais, malheureusement, on revient à des hivers qui sont dans la norme, la cyste va avoir plus de mal. À partir de combien ça dégage? Moins 6, moins 7. Ouais. Benoît, tu cultives des cystes? Alors évidemment, c'est une plante assez phare de la pépinière. Évidemment, parce qu'elle résiste très bien au sec. Comme a dit Stéphane, c'est vrai que les cystes sont assez vulnérables. Il y a une cyste quand même qui est très très résistante, qui est pour moi ne gèle pas, c'est la cyste corbariensis. C'est une cyste blanche. Oui, corbariensis, oui, oui. Et ça, elle gèle pas à condition d'être dans le sec. Elle ne gèle pas pratiquement partout en France. Oui, mais il faut un sol bien, bien sableux. Hein. Comme toujours, comme on l'a dit tout au départ de l'émission, pour les plantes méditerranéennes. Alors, des cyprès de Provence, on commence à en voir un petit peu partout. Je trouve que c'est un peu bizarre de les mettre ailleurs qu'en Provence, parce que c'est colonne comme ça. Alors, il y a une grosse tendance de plantes graphiques qu'on rencontre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais on pourrait mettre un Juniperus Skyrocket. Juniperus est boudé par nos consommateurs. Ils ont envie d'exotisme. voilà, ça fait du bien moral. Oui. Donc, cyprès de Provence. Alors, le figuier, évidemment, ça pousse partout. L'eucalyptus guni, donc ça va aussi très très bien partout. Alors le grenadier, ça c'est un peu méditerranéen. Hein. Non, grenadier, en toute honnêteté, façade atlantique, mais région parisienne, pas du tout. Ça va pas fonctionner très mais très bien. Mais en Touraine, on en avait des beaux. Oui. Benoît Le grenadier, c'est une plante quand même qui s'adapte relativement bien à tout ce qui est Grand Ouest. Évidemment, à l'intérieur des terres, c'est quand même assez difficile. Mmh. Et heureusement que la nature reprend ses droits, sinon on ferait n'importe quoi. Alors moi, il y a une plante qui m'a totalement surpris, parce que ça fait des années que je l'ai au jardin, et quand j'étais à l'école d'horticulture, on nous disait que c'était gélif, c'est le jasmin étoilé, le trachélospermum. Ça, vraiment, l'effet du jasmin, c'est une grimpante feuillage persistant, floraison extraordinairement généreuse, blanc vers le mois de mai-juin. Cette année, c'était vraiment carrément fin juin, bizarrement, mais qui tient très très très bien au froid. Alors, qui tient très bien et qui a en plus cet avantage de réagir au froid et de rougir si jamais il fait très froid. Donc ça augmente son aspect, son attractivité ornementale. Benoît. Alors, c'est une plante assez phare. Cette plante, il y a 20 ans, dans nos pépiniers, on la connaissait pratiquement pas. On n'en vendait pratiquement pas. Et maintenant, c'est devenu un top dans la grimpante fabuleux. Et ça, je conseille vraiment à tout le monde, parce que vraiment, c'est une plante, moi, je ne l'entretiens pas. Le seul défaut, c'est que ça peut avoir un peu de cochenille. À ce moment-là, il y a de la fumagine sur les feuilles. Ouais. Mais moi, ce que je fais, je douche avec une douche assez forte, comme ça, ça nettoie. Et puis, la plante, elle est costaud, hein, ça nuit pas. Alors, Benoît, Stéphane, Patrick, nous avons Denis qui nous a appelé au 32-16 et qui veut témoigner ce matin. Oui, parce que ce que je lis là, ça me surprend complètement. C'est pas mal du tout. Bonjour Denis. Bonjour Denis, bienvenue avec nous. Alors, vous êtes à Albertville. Donc, Albertville, c'est en Savoie. Il y a même eu les Jeux Olympiques d'hiver. Ouais. Et vous cultivez quoi là-bas? Eh ben, bonjour François et Miu Miu. Bonjour. Eh bien, voilà. Oui, on est bien à Albertville. Et on n'est pas dans la neige aujourd'hui. Hein. Non. C'est plutôt l'inverse. Donc, effectivement, on arrive à cultiver quelques petites plantes méditerranéennes. Alors, on a entre autres des lauriers fleurs, des citronniers, des phénix, des oliviers, des choses comme ça. Et aussi, je me suis lancé à essayer de faire un plant de Combava. Oui, alors quels sont vos secrets? Parce que quand même, c'est pas la région idéale. Ah non, c'est pas la région idéale. Alors les secrets, l'été tout va bien, il fait très chaud. Hein, oui, oui. Donc tout le monde est dehors l'été. Tout est dehors l'été, en plein vent à peu près. Je les douche tous les soirs quand il fait très chaud. Je les arrose comme il faut le soir. Et puis l'hiver, en fait, je les mets contre le mur de la maison qui est plein sud. Oui. Et donc je les enroule dans des paillassons. Protège. Voilà. Les voiles d'hivernage. des voiles d'hiver. Oui, des pyjamas, quoi. Voilà, des pyjamas que j'enlève quand il fait soleil, même s'il fait aux environs de 0 degrés, 2, 3 degrés, j'enlève les voiles, je les laisse quand il fait plein soleil, je les laisse et je les remets le soir. Et sinon, des fois, quand il fait très très froid chez nous, des fois ça descend à moins 15, je suis obligé de les rentrer dans mon garage. D'accord. Et dans ces cas-là, pendant la période hivernale, vous arrosez très très très peu. Ah oui, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours en fonction du taux d'humidité dehors. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir témoigné comme ça parce que c'est vraiment les conseils que je donne tout le temps. Patrick, comment ? C'est une performance d'avoir des citronniers comme ça, Albert Ville. Non, c'est une performance de fait. Le climat est pas adapté, mais ce que fait Denis, c'est exactement ce que l'on conseille chaque année. C'est-à-dire que rentrer une plante. Pour beaucoup, c'est la mettre en appartement. Or, c'est souvent le meilleur moyen de la faire mourir, alors que si on peut la laisser dehors, et je dis souvent aussi, donc rapprocher de la maison, le long d'un mur bien exposé, mettre des voiles, mettre des paillassons, etc., et effectivement, au cas extrême, devoir la rentrer quelques jours, ou quelques heures, une nuit ou deux, c'est comme ça que ça marche. Parce que sinon, si vous dites « Ah, ben j'ai des citronniers, je vais les mettre dans la maison à partir du mois d'octobre », eh bien, vous les faites mourir. Benoît, toi, tu produis pas mal d'agrumes. Comment tu leur fais passer l'hiver ? Ah ben nous toujours comme producteurs, donc nous avons des desserts donc verts ou des serres plastiques, et donc là à partir de là donc on maîtrise la température. Oui, mais tu leur donnes quelle température? Nous on leur donne juste l'antigel, tout simplement. Oui, voilà. C'est très important. Et je félicite Denis, mais il faut savoir qu'aussi il vit avec ses plantes, donc c'est un vrai jardinier aussi. Voilà, exactement. Non, mais c'est un peu ça. Mais ce que tu viens donner comme conseil, c'est la base, c'est-à-dire que les professionnels, vous mettez vos orangers, vos citronniers juste au bord du gel. Or, quand on les met dans la maison, on les met à 20 degrés. À 20 degrés avec une atmosphère sèche, et donc on les fait mourir. Et je voudrais juste compléter quand même par un agrume que l'on peut se permettre, nous, qui résiste quand même à moins 4, moins 5, c'est le mandarinier Satsuma. Le Satsuma, oui. Mais enfin, moins 4, moins 5, c'est juste, quoi. Hein, voilà. Non, ça le fait. Non, mais faut pas que ça déborde. On est d'accord. Le kumquat résiste très bien aussi. Juste en aparté, pour répondre au témoignage et pour compléter le propos, le voile d'hivernage très très bien. Juste pour nos jardiniers auditeurs, le petit truc et astuce, c'est surtout que le feuillage ne soit pas en compte avec le voile d'hivernage, sinon on perd tout l'avantage en fait de cet écart de température et cette protection contre le gel. Voilà. Il faudrait vendre des armatures aussi pour voile d'hivernage. Il y en a dans toutes les bonnes jardineries type Jardiland. Voilà. Non, mais il faut faire la publicité. Ben, Pas de problème. On revient dans un instant, pratiquement 8h moins le quart sur RMC. On évoque les plantes méditerranéennes. Est-ce qu'on peut en faire pousser certaines un peu partout en France? Le 3216 ou bien jardin@rmc.fr. Si vous voulez réagir ce matin, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Une rentrée cool pour Darty, c'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors Darty.com. Baron de l'Estac. Oh, avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah pardi, choisissez-moi. Baron de l'Estac, pas besoin d'hésiter, allez-y tout à traque. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence. Vous voulez harmonie, élégance et goût fin? C'est Baron de l'Estac. Ne cherchez pas plus loin. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé? Chez Lidl? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben paumé. Aujourd'hui, les pommes de terre blanches nouvelle récolte, le filet de 2,5 kg sont à 1,59€. Moins de 2€ le filet de 2,5 kg? Oui, et origine France, patron. Hein. Ça fait moins de 65 centimes le kilo de pommes de terre nouvelle. Hein. On va encore. Paumé, oui, ça va, j'ai compris. Je suis mal. On est mal, patron. On. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 40-70, Agatha, Riviera, Colomba, Starlet ou Europa selon magasin, Origine France. Lundi LM Lille Métropole présente la 11e édition du Critérium Cycliste, le guidon d'or avec RMC. Dès 14h, des animations non-stop, une épreuve féminine et une rando famille ouverte à tous. À 19h, place au Critérium Professionnel avec en vedette Brian Coca, Adrien Petit et Julien Alaphilippe. Lundi à LM Lille Métropole, c'est la fête du vélo et c'est avec RMC. Ah, les chiens et les chats, quel mystère! Saviez-vous que les chats ont le pouvoir de prédire le temps qu'il fera? Eh oui, Stéphane! Quel flair! Justement, chez Gamme Vert, pendant les 4 jours coup de patte jusqu'au 27 août, pour deux produits d'alimentation chien ou chat identiques achetés, le deuxième est à moitié prix. Oui, à moitié prix! Gamme Vert, le goût du jardin! Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Voilà, 7h46, c'est RMC, le week-end des experts et le jardin. Patrick, ce matin, en compagnie de nos invités, on rêve et on essaie de faire pousser un peu partout en France des plantes méditerranéennes. Oui, en les choisissant bien. Par exemple, je vais demander à mes invités ce qu'ils pensent du lilas des Indes, de la gerstremia. Alors, suivant les cultivars, et aujourd'hui on a même des cultivars américains qui viennent sur le marché, on a une très bonne résistance au froid, pour peu qu'on respecte les conditions de plantation, mais une très bonne résistance au froid. Cet arbre est assez magique, un tronc qui s'exfolie, qui est juste d'une beauté à tomber. Une floraison extrêmement généreuse et un coloris d'automne à se pâmer. On passe du jaune au orange, au rouge, avec des teintes franches, c'est superbe. Mais ça fleurit pas tout le temps. Alors, moi, j'en ai. Il faut choisir la bonne variété. T'as intervenu un producteur, là. Hein. Oui, oui, Benoît. Allez, dis-nous. Alors, tout à fait. La gerstremia partout en France, donc, peut résister. Évidemment, que dans les endroits un peu plus froids, évidemment, s'il a une vieillesse, comme l'albidia tout à l'heure, il va résister. Et surtout, ce qui est très important, ce sont les variétés. Donc, très, très exactement. Important. Et le leader, c'était les pépinières des Smarties qui ont un peu innové dans ces choses-là. Et donc, tout le sud-ouest, les pépiniéristes locaux ont amélioré beaucoup toutes ces variété. Et je confirme que la variété est très importante. Et lorsqu'on passe au-delà de la Loire, il y a des problèmes. Et nous avons des variétés maintenant dans la production qui sont florifères. Oui, mais moi je disais ça parce que j'ai l'expérience. On a la gerstremia qui a fleuri assez bien l'année dernière. Et cette année, je pense à cause du printemps qui était pas du tout adéquat, qui a manqué de lumière, eh bien il fait pas de fleurs. Il est beau bien sûr, mais là il ne fait pas d'inflorescence. Alors, est-ce que je voulais dire aussi une dernière chose après je te donne la parole Benoît, c'est que le gerstremia, il faut pas s'inquiéter, c'est une plante extrêmement tardive au démarrage. Donc au printemps, on a l'impression qu'on a des bouts de bois et que la plante est morte pendant l'hiver. Et ça, il faut être très très patient et attendre qu'elle redémarre. Alors le gerstremia, c'est la base du soleil. Et le gerstremia, il lui faut de la chaleur. Si à partir du mois de juin, il fait très chaud, on arrive pratiquement à avoir un gerstremia qui peut fleurir au 14 juillet. Donc c'est vraiment la base de cette plante-là. Et le fait que nous avons eu la chaleur qui arrivait pratiquement autour du 14 juillet, parfois ils ont attrapé l'oïdium, et ce qui fait que derrière ça a bloqué la floraison. Ah d'accord. Bah non, nous il est très sain, mais bon il fleurit pas, mais ça sera une autre fois. Messieurs, nous avons Francette qui est dans les Alpes-Maritimes et qui nous appelle ce matin au 32-16. Bonjour Francette. Bonjour Francette. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour François, bonjour Miu. Voilà, alors je vous appelle parce que j'ai un olivier en pot sur une terrasse qui est exposée à l'est. Oui. Et je voulais savoir quand est-ce que je pourrais le rempoter. Moi, je dirais en période d'arrêt de végétation, Benoît, quand est-ce que tu rempotes les oliviers? Les plantes de rempotage, lorsqu'elles sont hors sol, je préfère plutôt au printemps, moi, voilà, pour donner à la fin de l'hiver, quoi. Voilà, fin d'hiver, pour donner vers le mois de mars, avril, quelque chose comme ça. Très bien. Plutôt au mois de mars, quand même, au démarrage, quoi, de la végétation. Et quel terreau je peux lui mettre L'olivier, ça pousse pas dans du terreau. Hein. Quand vous regardez dans quelles conditions ça pousse naturellement dans les Alpes de Haute-Provence, par exemple, c'est plutôt dans des sols caillouteux. Alors, je sais pas, dans quoi tu les cultives, Benoît? C'est très intéressant. Moi, j'ajoute un peu des fois de terre franche, un peu pour donner un peu de la consistance lorsque c'est dans un pot. Hein. Évidemment, un terreau, mais avec une base assez costaud, je veux dire. Donc un peu de terre franche, bonne terre franche. Des fois, ça donne quelque chose d'intéressant. Oui, puis ça aime bien quand même un sol un peu calcaire, quand même l'olivier. Oui, très bien. Donc les terreaux sont plutôt acides, donc il faut. Mais dis de lui mettre du lambris compost. Est-ce que c'est bon? Bah très bien, ça va être un engrais complètement. Oui, mais en même temps, moi je dirais que les oliviers sont pas quand même des plantes qui ont besoin d'une matière organique très importante. Moi je mettrais vraiment au moins la moitié de terre un peu caillasseuse, enfin pas terrible, avec effectivement un peu de terreau pour que ça lui donne à manger. Mais complètement. Je te rejoins Patrick, un sol drainant, éventuellement si c'est en pleine terre et que le sol est trop sableux. Non, il est pas en pleine terre. D'accord. Donc là on est en pot, un terreau mélangé avec un peu de terre et un peu de billes d'argile. Et puis François, moi mon conseil de fin, ça sera quand même un gros drainage au fond. Exactement. Du pot, et que vous vous assuriez que votre pot évacue bien l'eau. Donc, surtout pas un pot à réserve d'eau, bien évidemment, et un pot qui est muni d'un beau trou pour pouvoir évacuer l'eau, parce que l'ennemi mortel de l'olivier, c'est l'humidité. D'accord. Et parce que c'est une plante qui a Je peux le tailler à partir de quand, alors? Parce qu'alors, en ce moment, il a fait des grandes tiges, et ces grandes tiges, j'aimerais bien les couper. Mais normalement, il n'a pas de fruits du tout. Si, il a des fruits en ce moment, oui. Oh, mais généralement, on taille après la fructification, on ne va pas tailler avant. D'accord, non mais je voulais savoir justement à peu près à quelle époque. Après, c'est pareil, généralement, les oliviers, les producteurs d'oliviers, ils les taillent au début du printemps. En Italie, ils les taillent jusqu'au mois d'avril, lorsque la plante est en plein démarrage. D'accord, très bien. Eh bien, je vous en remercie infiniment. Bonne journée, voilà. Françoise. Merci, Françoise. Merci, bonne journée, au revoir. Voilà, important aussi hein, de changer de pot comme ça de son olivier. De temps en temps, il faut le faire tous les combien, ça? Sur l'olivier, je sais pas, moi je dis tous les deux ans. Tout dépend de la taille du pot qu'on va choisir. Oui, aussi. J'ai envie de dire, faut bien comprendre que un rempotage donne de la place nouvelle aux racines. Mm-hmm. Donc le temps qu'elle l'occupe, et tant qu'elle n'est pas occupée par les racines, ça crée une réserve d'eau naturelle. Attention à ne pas mettre un trop gros pot, parce que même si le sol va être drainant, on va avoir une rétention d'eau trop importante. D'accord. Donc oui, il y a toujours un équilibre, mais d'une manière générale, c'est plus facile de réussir une plante dans un gros volume. Commencer tout de suite avec un gros volume. Que dans un tout petit. On l'a vu tout à l'heure avec les bougainvilliers, c'était des pots de culture, il n'y avait pas assez de terre et la plante, elle se dessèche rapidement. Alors on va continuer avec une plante que je trouve intéressante aussi pour les autres régions que la Méditerranée, c'est le néflier du Japon, Eriobotrya japonica. On en voit pas mal en région parisienne. Ça donne des fruits qu'on appelle les loquats, qui sont jaunes et qui sont assez bons d'ailleurs. Tout à fait. Ornementalement, la feuille est grise, elle a un revers encore argenté. Merci. Un vert gris, ensuite argenté. C'est très ornemental, c'est persistant. Donc c'est plutôt rare et couru par les consommateurs jardiniers qui veulent. La Méditerranée, la percée forte des plantes de climat doux, c'est aussi pour le persistant, le côté persistant, et attractif par la fleur en général et le fruit. Oui, voilà. Ce sont des plantes plus spectaculaires, Benoît, néflier du Japon. Donc l'intérêt, c'est cette floraison qui est vraiment en tout début, en sortie d'hiver pratiquement. Oui. Et puis c'est une plante dans un jardin qu'on pourrait un peu assimiler un peu comme un magnolia, donc une grosse feuille persistante qui tombe sur en partie du mois de mai. Alors je pense que c'est une plante qui n'aime pas non plus trop l'humidité, parce qu'on voit souvent des néfliers du Japon en Île-de-France qui ont des taches cryptogamiques noires sur le feuillage, donc il faut essayer de le mettre dans un endroit qui reçoit pas trop de pluie de manière à ce que la plante soit belle. D'ailleurs c'est un peu la même chose avec les Fatsia japonica, qui ressemblent un peu à des grosses mains comme ça, donc des plantes d'aspect exotique, et moi j'ai vu quand on les met dans un coin de maison, de jardin, hop, ils deviennent très beaux. Alors on va quand même terminer l'émission, faut quand même parler des palmiers. Quand on est au bord de la Méditerranée, on voit plein de palmiers, donc les phénix canariensis, c'est certainement un peu compliqué de les mettre ailleurs qu'en bord de mer, mais en revanche on a au moins un palmier, si c'est pas deux, qu'on peut mettre pratiquement partout, donc le palmier qu'on appelle palmier moulin, Trachycarpus fortinei, toutes les régions. Et Wagnerianus qui fait une entrée forte, là on est sur des bonnes résistances au froid, de l'ordre de moins 10, moins 15, sans aucun problème. Benoît, toi, tu as une plantation. Tout à fait raison, le Wagnerianus, qui est le cousin qui est origine de Corée, parce que l'autre, il est d'origine de Chine. De Chine, donc c'est un peu cousin, tout ça. Et la feuillage qui est très intéressant, parce qu'il est compact et il est beaucoup plus serré. Toujours très propre. Oui, il est plus serré que l'autre. Et là, on peut le mettre dans tous les jardins. Alors toi, Benoît, tu avais fait quelque chose de tout à fait original. Enfin, tu l'as toujours, d'ailleurs, dans ta pépinière. C'est que tu les as plantés sur un talus, mais tu les as plantés obliquement. Alors évidemment que le palmier, donc j'ai trouvé ça dans tous les voyages que l'on fait dans les îles, le palmier penché auquel on fait une photo pour idéaliser cette île. Et moi, j'ai en revenant à mes pépinières, je me suis permis d'en planter une vingtaine de palmiers penchés. Et évidemment, le phototropisme de la plante fait qu'il repart toujours à la verticale, et ça me fait un palmier des îles adaptable à toute région, et de pouvoir le mettre dans son jardin, petit jardin. Et sache que Patrick, maintenant, tu sais ce que j'ai fait, je les ai renversés encore dans l'autre sens. Donc, je vais leur faire faire une autre virgule. Ah bon, ils vont être tout tortueux. Il sera unique dans le monde. On pourra avoir au pépinière Ripo des palmiers tortueux, mesdames, messieurs. N'hésitez pas à aller à chez Foix. Merci en tout cas, Benoît. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure entière. Merci. Merci. Des pépinières, donc, Ripo en Vendée, spécialiste des plantes méditerranéennes. Et merci aussi à Stéphane de Jardiland. Merci à vous. Merci. Donc, il y a en ce moment des plantes méditerranéennes chez Jardiland, puisque je vous dis, cette semaine, on a acheté un très bel hibiscus. Donc, ça, c'est une plante qui peut, comme on disait tout à l'heure, fleurir jusqu'à la fin de saison. Ça, c'est chouette. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Voilà. Patrick, merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. On sera là 6h-8h. Et oui, la bise aux jardinières et ma petite jardinière comme d'habitude. Et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Et dans un instant, il est déjà à mes côtés. C'est mais Christian Pesset. Oui, je suis là. Comment ça va, Cricri? Eh ben, ça va bien après de longues vacances. Là, eh bien, hein. Voilà, ça y est, on ça revient. Ça va faire 15 ans que j'ai pas pris des vacances comme ça. Vous avez un teint allé en n'est-ce plus, pas, ça. Bah oui. Magnifique. Le bricolage, la maison, la déco n'a aucun secret pour lui. Il sera à mes côtés pendant 2 heures. Dans un instant, Christian Pesset, on va s'intéresser à la déco de rentrée. Oui, on va autres. Faire la déco de rentrée. C'est une tradition. Que de réserver quelques jours après les vacances pour donner un coup de jeune à son intérieur. Exactement. Et puis bien sûr, toutes vos questions, bricolage, maison, déco, dès maintenant au 32-16. On revient après la météo et les infos. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Imaginez si tout était blanc. Mur blanc, sol blanc, meuble blanc, blanc, blanc. Quel ennui. Heureusement, chez Saint-Maclou, les couleurs se déclinent partout. Sur les rideaux, papier peint, store, vinyle, moquette, parquet. Et en plus, en ce moment, bénéficiez de 15€ offerts tous les 100€ d'achat. 15€ de remise immédiate tous les 100€ d'achat, jusqu'à lundi seulement, chez Saint-Maclou. Offre valable du 25 au 29 août, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Ce soir, à 20h50 sur RMC Découverte, explorez l'extrême. Jérôme Burin-Desrossiers, ancien officier des chasseurs alpins et ancien reporter de guerre, plonge en milieu hostile dans l'île cannibale du Vanuatu pour des épreuves qui repoussent les limites de l'endurance humaine. Fear Trip, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Pour ne rien rater sur le mercato, allez sur ledisport.com. Interviews, coulisses, informations exclusives. Pour tout savoir sur les transferts et l'actualité du sport, rendez-vous sur ledisport. Ça veut dire quoi être cool pour Darty? Être cool, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un lave-linge à prix cassé. Bref, c'est être cool, quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, du 25 août au 1er septembre, le lave-linge Samsung WF80 EcoBubble Blanc est à 449€ au lieu de 499, soit 50€ de remise. Et en plus, jusqu'au 23 octobre, Samsung vous rembourse 40€. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. La météo des plages, c'est avec vous Jérémy Souliman. C'est vrai que là, pour tous ceux qui sont à la plage, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal, on va dire ça. Bonjour François, bonjour à tous. Le soleil va dominer aujourd'hui sur les plages, eh bien sauf pour le littoral de la Manche, de la Bretagne ou Hauts-de-France en passant par la Normandie. Eh bien, on va retrouver un mélange d'averses orageuses et d'éclaircies, mais la mer globalement sera calme et surtout fraîche, comprise entre 16 et 20 degrés. Il fera par exemple à Cherbourg 18 degrés dans l'eau, 24 dans l'air. Et puis sur les plages de la façade atlantique, soleil radieux. Les températures grimpent entre 26 et 35 degrés sur la Serviette. Dans l'eau, il fera un petit peu plus frais, comptez entre 18 et 22 degrés. À Lacanau, par exemple, et bien sur la plage, vous pourrez lézarder sous un beau soleil et 35 degrés. Si vous décidez de piquer une petite tête dans l'eau, et bien il ne sera qu'à 21 degrés. En Méditerranée, en Corse, toujours du soleil, mais les températures sur la plage seront un petit peu plus fraîches que sur la façade atlantique. Comptez entre 27 et 31 degrés sur la plage. L'eau, par contre, sera bonne entre 22 et 25. À hier, par exemple, vous aurez 31 degrés les pieds dans le sable, 25. La tête sous l'eau. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Belgique. 16h, football anglais, les matchs de Première Ligue. 17h, athlétisme, le meeting de Paris. Et football Ligue 1, Dijon-Lyon, suivi à 20h des autres rencontres. à la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. RMC, il est 8h, toute l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Les anti-Burkini priaient d'aller se rhabiller, mais après la décision du Conseil d'État, ils veulent passer à la contre-offensive et légiférer. Cinquième jour de canicule, le pire de la semaine selon Météo France. 43 départements en alerte orange, couleur vive également sur les routes, du rouge dans le sens des retours. Football, enfin une victoire pour Marseille, la première de la saison grâce aux buts de Gomis et de Cabella. La polémique loin d'être désamorcée après la décision du Conseil d'État hier. Les sages ont invalidé l'arrêté anti-Burkini de Villeneuve-Loubet. Mais alors que certains se félicitent, d'autres pensent déjà à contre-attaquer. Pour Marwan Mouhamad, président du comité contre l'islamophobie, la décision du Conseil d'État était en tout cas plus que nécessaire. Malheureusement, le mal est fait. Quand on voit des femmes qui n'ont rien fait être humiliées, invectivées, parfois insultées devant leurs enfants, qu'on voit des agents de police les expulser de la plage devant leurs enfants, les invectiver, leur donner des procès-verbaux tout simplement parce qu'elles portent un foulard, quand on assiste à ça, on se dit il est temps d'avoir ce sursaut et de se dire ok, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Est-ce qu'on n'a pas en fait un problème de classe politique qui envenime les choses? Et est-ce qu'il n'est pas temps, plus que jamais, de faire œuvre de fraternité et d'être tout simplement fidèle à la devise de notre pays? Mais pour Lionel Lucas, le maire de Villeneuve-Loubet, cette décision du Conseil d'État contre son propre arrêté ne règle rien.